bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, il est 21h34, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Red Arc du Sport. On est ensemble pendant 2 heures jusqu'à 23h30 pour une émission encore chargée ce soir. Il y aura pas mal de choses encore, il y aura avec nous tout à l'heure Jérôme et Sylvain. Alors Jérôme il sera avec nous bien sûr en fin d'émission pour la partie foot, plus particulièrement la Ligue 1 et la Ligue 2. Et puis Sylvain sera avec nous pour la partie handball. Alors on n'a pas encore, on sait pas trop à quelle heure il sera disponible dans la soirée. Donc c'est lui qui va choisir un peu son horaire d'intervention. Dès qu'il est prêt, il sera avec nous en direct. Donc on va, on parlera pas de tout de suite dans l'émission, mais on décalera le sujet jusqu'à ce que Sylvain soit avec nous. Donc d'ici la fin de l'émission. Le programme, sinon, bien sûr. Habituel. On va donc, comme on disait, parler de foot avec la Ligue 1. Cette journée de Ligue 1 donc qui s'est terminée hier avec la victoire, large victoire d'ailleurs, de Lyon face à l'OM, 3-0. Lyon qui se replace bien en vue de la Ligue des Champions puisque Lyon est troisième désormais seul. Et on verra l'écart avec Saint-Étienne qui a été tenu en échec un petit peu plus tôt dans le week-end. Les autres matchs aussi bien sûr de cette journée avec le maintien qui se joue toujours. Et Monaco qui s'est de nouveau incliné face à Nîmes et qui est en très mauvaise posture, on le verra, puisque Caen de son côté s'est imposé. C'est terminé en revanche pour Guingamp quasiment après sa nouvelle défaite hier. On va bien sûr tout ça évoquer tout ça. L'USO 0-0, c'est le score de la rencontre qui l'opposait. Donc vendredi soir pour cette 36e journée, 37e même déjà journée en Ligue 2 face à Béziers, match nul donc 0-0. On rappelle, il n'y a plus d'enjeu déjà pour Orléans depuis quelques journées. Bien sûr, on parlera des autres championnats européens avec le titre pour Manchester City dans un final face à Liverpool hier. Victoire 4-1 sans souci pour Liverpool qui était mené 1-0 pourtant. Liverpool qui avait fait le boulot de son côté, mais City qui a été plus fort c'est en fin de saison et qui s'impose dans cette première ligue saison 2018-2019. L'autre actualité en Allemagne avec le titre qui n'est pas joué du tout puisque Bayern a été tenu en échec. De son côté, Dortmund s'est imposé, ça redistribue un petit peu les cartes. Il reste l'ultime journée ce week-end. On va surtout dans la même configuration hein, que Liverpool et City, on en parlera tout à l'heure. En Italie, c'est joué, il y a l'Europe encore bien sûr qui est possible. Et puis en Espagne, on verra aussi ce qui s'est passé lors de cette journée. Ligue des Champions, bien sûr, on va revenir sur ces incroyables remontadas de la semaine dernière en demi-finale retour. Où Liverpool s'est qualifié après un match fou face au FC Barcelone, 4-0, victoire aussi de Tottenham 3-2, et qui se qualifie pour donc la suite et la finale bien sûr de cette Coupe d'Europe, on va en reparler. Une finale anglaise aussi en Premier League, en Ligue Europa pardon, entre Arsenal et Chelsea. On va bien sûr en parler aussi tout à l'heure. Voilà, de foot, donc pas mal de choses à évoquer côté foot. Du rugby, le titre en Coupe d'Europe, puisque c'est aussi les Coupes d'Europe qui se jouaient, les finales cette fois en rugby. Le titre qui est revenu au Saracens, donc dans la grande Coupe d'Europe, et puis dans la deuxième Coupe, dans la finale 100% française. Donc c'est Clermont qui s'est imposé face à La Rochelle, on va y revenir tout à l'heure bien sûr. Et puis le top 14 aussi avec la fin de saison qui approche à grands pas. Il reste encore 2 journées, on va évoquer les encore possibilités de qualification pour les barrages sur les certaines équipes. Voilà pour donc le rugby. On va bien sûr parler de tennis avec la victoire de Novak Djokovic hier lors du Masters 1000 de Madrid. Il a remporté le titre en battant en finale Stefanos Tsitsipas. On parlera aussi de Rafael Nadal qui lui-même a été battu par le Grec en demi-finale, qui s'incline une nouvelle fois en demi-finale de tournoi sur terre battue. Il n'a pas remporté le moindre titre pour le moment sur terre battue, on va en reparler bien sûr. Federer lui est battu en quart de finale par Dominic Thiem après un match assez plaisant, on va y revenir aussi. Le Suisse qui d'ailleurs a indiqué samedi qu'il serait présent à Rome cette semaine alors que c'était pas vraiment prévu au départ. On va en reparler aussi de ce tournoi de Rome qui a démarré hier, puis Roland Garros qui démarrera la semaine prochaine, les qualifications qui commencent cette semaine, qui ont commencé aujourd'hui. On va tout évoquer sur ce sujet. du basket avec la victoire de l'OLB en Pro B qui se replace très bien à deux journées du terme de la saison régulière, qui revient à une victoire seulement de retard sur le leader Rouen. On va évoquer le classement qui est très serré, hein, entre les quatre équipes, cinq même équipes du haut de tableau, et les enjeux des deux dernières journées, bien sûr, en JP8 même. Maintenant, ça se joue en direct, on va en parler dans un instant, mais quelques matchs ont été joués hier, un ce soir, et puis d'autres se joueront demain et mercredi. Ce soir, c'est Bourg-en-Bresse qui reçoit Nanterre, le JSF Nanterre, 41-38 à la pause, le score en faveur de Nanterre. Puis demain, on en parlera tout à l'heure, mais deux autres rencontres, Dijon-Le Mans et mercredi l'ASVEL Dunkerque. Voilà, et puis d'autres matchs dont on détaillera tout à l'heure les résultats de la 33e et avant-dernière journée. Ça c'est pour donc le basket en France. En Europe, on parlera aussi de la fin des coupes d'Europe avec l'Euroleague notamment, qui se poursuit, et bien sûr NBA, les playoffs qui se poursuivent, et on évoquera les qualifiés bien sûr pour les finales de conférence, puisqu'on les connaît, ça y est, les deux affiches de ces finales, on en parle bien sûr tout à l'heure. Ça c'est donc pour le basket. Du handball tout à l'heure bien sûr avec Sylvain, donc dans la soirée, pour l'instant je peux pas encore vous dire à quelle heure, mais dans la soirée bien sûr on parlera de handball avec bien sûr le titre qui va se jouer cette semaine chez les féminines avec Metz, Nice, mercredi et dimanche, match aller-retour. Coupe d'Europe malheureusement pour Metz, ça s'est mal passé en Ligue des Champions dans le Final Four. Les Messines battues en demi-finale. Et puis dans la première division, Paris, champion. Donc, déjà depuis la semaine dernière, qui a été battu hier, on va bien sûr y revenir. Voilà le hand. Et puis, bien sûr, on finira avec Formule 1 aussi, victoire hier de Lewis Hamilton. Et puis en rallye, victoire de Tanak, deuxième place pour une belle opération d'ailleurs pour Sébastien Ogier. Pas mal de choses donc. On commence avec une pause et puis on va revenir juste après pour lancer donc ce programme. Beaucoup de choses encore à dire dans cette émission avec donc tout à l'heure, je vous le disais, Sylvain et Jérôme avec nous donc en fin d'émission. C'est parti pour ce premier titre de Charlie Puth tout de suite, et juste après donc début avec nos directs, on évoquera, je ne les ai pas donné ce soir, mais on les donnera juste après. À tout de suite. You've been running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Thinking about is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Salut Push, à l'instant pour le premier titre de l'émission. Je vous rappelle, c'est vous qui faites la programmation comme chaque lundi soir. Programmation musicale, bien sûr. Dites-nous ce que vous avez envie d'écouter ce soir sur le Facebook Red Arc du Sport. N'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez évoquer aussi d'autres choses, d'autres sujets. Hein, si vous avez envie d'évoquer un sujet, vous le dites aussi sur le Facebook. Et puis, vous pouvez nous appeler donc au 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00 pour intervenir en direct à l'antenne. Pour nous écouter, je vous rappelle aussi le 96.2 FM bien sûr, et le site radio-arc-en-ciel.fr pour retrouver non seulement le live de l'émission mais aussi toutes les infos sur les émissions, les différents animateurs et événements à venir dans l'émission. Voilà pour donc les différents contact. On va démarrer avec le direct qu'on va suivre ce soir d'ailleurs, parce que je vous les ai pas donné un démarrage. Alors ce soir, du foot un petit peu, oui, un match en Italie, c'est entre l'Inter Milan qui est troisième pour le moment et qui serait bien inspiré de s'imposer pour se donner une petite marche sur le Milan AC et surtout remonter peut-être à la troisième place potentiellement. Et le Chievo Vérone qui est lanterne rouge et qui est déjà relégué depuis un petit moment. Donc pas d'enjeu pour le Chievo Vérone. Et c'est pour l'instant 0-0 à la 28e. C'est à suivre sur Beansport 2 pour les amateurs du calcio. Un peu plus tôt tout à l'heure, Bologne a battu Parme 4-1. On verra tout à l'heure les conséquences au classement. Et puis du tennis ce soir à Rome pour le premier tour de ce Masters 1000. Un match entre Français en direct entre Richard Gasquet et Jérémy Chardy. Pour le moment, c'est Chardy qui a remporté la première manche 6 jeux à 1 et 3 jeux à 2 pour Gasquet. Dans la seconde, Chardy qui va servir pour recoller à 3 jeux partout. Le vainqueur de cette rencontre, on rappelle, rencontrera Rafa Nadal au deuxième tour, donc un sacré défi à venir. Notez l'élimination rapide de Gaël Monfils dans la journée face à Albert Ramos, l'Espagnol 6-3, 6-1. Gaël Monfils qui était quand même 8ème de finaliste à Madrid et qui a failli battre et sortir Roger Federer, on en reparlera, et qui est déjà sorti. Joël Fetsonga aussi, c'est déjà fini, défaite face à Fabio Fognini 6-3, 6-4, assez sèchement. Côté français, on a aussi les éliminations hier assez prématurément de deux Français, Luc Apouille et je ne sais plus le deuxième, en tout cas un deuxième joueur aussi qui a été éliminé, joueur français. Donc ça fait déjà 4 Français éliminés. Alors il y aura forcément un, puisqu'il y aura ou Gasquet ou Chardy tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est déjà une petite hécatombe côté français dans ce Masters 1000 de Rome. On rappelle le dernier bien sûr avant Roland Garros, c'est Gilles Simon qui s'est incliné hier. Donc voilà, déjà pas mal de casse côté français dans ce tournoi. Et bien sûr que le tournoi qui a aussi lieu pour les femmes, et on va en parler aussi. Au passage, chez les garçons, Karic qui s'est qualifié, Kachanov, Chapovalov qui s'est qualifié aussi. Chez les femmes, à noter dans la journée, Muguruza qui s'est qualifié, Venus Williams, Azarenka. Voilà, et puis bien sûr on évoquera les autres matchs à venir, et puis Serena Williams qui s'est qualifié à venir donc tout à l'heure. Voilà donc les directs ce soir du tennis et du foot, et puis bien sûr du basket, on le disait tout à l'heure, entre Bourg-en-Bresse et de Nanterre en Jeep Elite, 33e journée, 46-45. C'est le score pour l'instant en faveur de Nanterre. Après la mi-temps, donc on vient de démarrer depuis 5 minutes dans le troisième quart-temps. C'est parti pour le premier sujet tout de suite. C'est bien sûr la Formule 1, victoire hier dans le Grand Prix d'Espagne de Lewis Hamilton. Et une nouvelle fois, c'est les bien sûr les Mercedes qui ont dominé une nouvelle fois ce Grand Prix. Bien sûr de tout le week-end d'ailleurs hein, puisqu'ils ont été déjà présents lors des séries libres et puis également lors des qualifications. Bottas qui était en tête sur le grid de départ, Hamilton deuxième, et puis on retrouve derrière assez, j'allais dire logiquement et habituellement, Sébastien Vettel troisième, Verstappen quatrième, et puis à noter quand même que une belle sixième place pour Gasly sur Red Bull, et puis 7ème place aussi intéressante pour Grosjean au départ. Ensuite donc le classement final avec, on l'a dit, Hamilton et Bottas sans surprise qui ont renversé leur place. Normalement Red Bull derrière qui est là avec Verstappen, les deux Ferrari de Vettel et de Leclerc qui confirme aussi le jeune monégasque avec cette 6ème place. Gasly donc 6ème qui finalement est resté sa 6ème place sur Red Bull. Romain Grosjean qui a un petit peu perdu du terrain puisqu'il finit dixième et qui sauve un point quand même. Voilà donc pour cette course, ce Grand Prix donc d'Espagne. Au classement général, eh bien cette victoire de Lewis Hamilton lui permet de reprendre la tête donc chez les pilotes avec une petite avance seulement de 8 points en tête. Lewis Hamilton deuxième place pour Bottas bien sûr. Verstappen, Vettel sont juste derrière. Et puis Gasly qui est quand même 6ème général avec 21 points pour le moment. Chez les constructeurs, bien sûr, il n'y a pas de surprise. C'est Mercedes qui domine largement Ferrari avec déjà le double de points. Donc c'est quasiment déjà plié pour le championnat constructeur. La suite du programme, eh bien ce sera la semaine prochaine, le 26, le fameux Grand Prix de Monaco qui se déroule en ville. Bien sûr, on connaît ce fameux circuit où il sera difficile de doubler, on connaît, et voilà, ce sera en tout cas dans 15 jours. Et puis ensuite, il y aura un petit passage au Canada avant de revenir en Europe pour le Grand Prix de France qui revient dans le calendrier de la Formule 1 avec le Castellet qui va faire son apparition après Manicourt, bien sûr, depuis de très longues années. On retrouvera ce Grand Prix de France avec plaisir. Voilà, donc en Formule 1, le point en ce qui concerne championnat du monde de rallye qui se déroulait une nouvelle fois avec cette nouvelle étape du côté du Chili. C'est la victoire donc de Ott Tänak qui s'impose pour la deuxième fois cette saison, et finalement on va le voir, mais sur les 6 rallyes disputés, eh bien les trois de l'an dernier qui se sont joués le titre jusqu'au bout, eh bien remporté chacun deux rallyes, donc bah finalement il n'y a pas de surprise hein, on retrouvera encore les mêmes à coup sûr. Donc l'Estonien qui s'impose sur ce rallye du Chili, deuxième place pour Sébastien Ogier qui est loin quand même à 23 secondes, mais qui a tenu quand même le fil devant Sébastien Loeb qui termine troisième, qui était présent sur ce rallye du Chili pour une pige une nouvelle fois avec Hyundai. Donc troisième place pour Loeb. Et puis à noter bien le gros coup sur le week-end pour Sébastien Ogier, c'est surtout l'abandon rapide donc de Thierry Neuville sur ce rallye dès le premier jour. Et ça a bien sûr alors fait les affaires du français, on va le voir au général, même si c'était assez impressionnant sur ce coup-là. Sébastien Ogier qui reprend la tête avec 122 points, 112 points pour Tänak qui repasse deuxième du coup, Thierry Neuville qui est le perdant du week-end qui reste troisième avec 110 points, et Sébastien Loeb qui tout de même reste sixième avec 39 points malgré le peu de rallye disputé jusqu'à maintenant. La suite du programme, elle est encore longue, hein. Il y a beaucoup de courses à jouer encore. Et le rallye Portugal, avec un retour en Europe, donc seulement dans 15 jours, du 30 mai au 2 juin, le rallye du Portugal, bien sûr, avec un nouveau rallye sur asphalte. Et voilà, on verra un petit peu qui va prendre le lead, puisque pour l'instant, on est à 2 victoires chacun pour les 3 en tête du classement. Donc on verra si quelqu'un d'autre pourra se mêler à la lutte. On a du mal à le voir puisque déjà Chris Meek qui est quatrième britannique a que 56 points, il a déjà moitié moins de points que Thierry Neuville qui est troisième, donc ça semble impossible de revenir, et la lutte qui devrait se jouer encore une fois entre ces trois-là. Voilà en champion du monde de rallye. Et puis bien sûr, retour, on l'avait évoqué la semaine dernière, en MotoGP, retour de la compétition après une petite trêve, avec le Grand Prix de France dimanche, sur le circuit du Mans, bien sûr, habituel. Alors ne soyez pas surpris ce week-end de voir pas mal de passages de moto, puisque bah, voilà, ce Grand Prix aura lieu au Mans. Donc on risque de voir pas mal de motos passer ce week-end. Et ce sera une nouvelle fois un Grand Prix spectaculaire avec Marc Marquez qui aura à cœur de s'imposer, lui qui reste sur une victoire en Espagne chez lui, et qui pourrait, en cas de succès, eh bien creuser l'écart en tête du classement. Pour l'instant, c'est très serré entre quatre pilotes, hein, Marquez, Rins, Dovizioso et Rossi, qui se tiennent en moins de 10 points. Donc ce sera l'occasion de prendre un petit peu le large en haut. Donc ce dimanche, Grand Prix de France, ce sera sur Canal+, bien sûr. Enfin, en tout cas, les antennes de Canal, pour suivre cette course, ou alors directement sur le circuit du Mans pour les passionnés. Ce sera dimanche. Voilà le programme en MotoGP, donc pas de rallye pour l'instant. Et puis pareil, Formule 1 pause aussi jusqu'à la semaine prochaine. Un petit passage direct avant d'enchaîner. On poursuit avec notre direct tennis. Richard Gasquet, Jérémy Chardy. Toujours une manche à rien pour Jérémy Chardy. 6-1, 5-4 dans la seconde pour Gasquet. Service pour Chardy. On se dirige peut-être vers un tie-break. Et puis l'autre direct du côté du foot, c'est l'Inter Milan qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Politano, 39e minute. On est à la pause, 1-0 face au Chievo Vérone. Et puis sur l'autre direct, donc côté basket, c'est toujours Nanter qui mène, mais toujours un faible écart, 54-52 face à Bourg-en-Bresse, 33e journée de JP Elite. Et le match est sur RMC Sport 2 pour suivre cette rencontre basket. Et puis on le disait, hein, pour le foot, ce sera Bein 2, foot italien. Et puis pour le tennis, vous pouvez suivre ce dernier match, puisque c'est le dernier match en direct, sur Eurosport. On poursuit donc avec un petit mot rapide, puisque se déroulait ce week-end les mondiaux de relais en athlétisme. On a peu l'habitude d'en parler. C'est vrai qu'on parle souvent tout ce qui se passe en individuel. Les mondiaux d'ailleurs en salle, et puis bien sûr les mondiaux en plein air. Avaient lieu cette fois les mondiaux en relais, uniquement des relais. À noter un petit passage sur les résultats hommes. Le 4x100 mètres homme qui a pris seulement la 5e place, qui a été dominé par le Brésil. Voilà, 2e place États-Unis, 3e place Grande-Bretagne. On retrouve finalement à peu près les mêmes. 4x200, la France qui est très très loin, au classement 4e place, qui était disqualifié en série. 4x400 mètres également, la France chez les femmes 2e place. Qui sont qualifiés pour les championnats du monde. Ça, c'est la formation chez les femmes. 4x200 qui a remporté le titre sur les féminines. 4x200 remporté le titre. Record de France à la clé, 1:32:16. Bravo à elle. Et puis en 4x400, 8e place seulement. Et puis sur les épreuves mixtes, malheureusement, pas de podium pour les Français, dominés par les États-Unis assez logiquement. Et puis à noter que chez les Jamaïcains, pas de perf à noter, et la Jamaïque a bien du mal à se reconstruire, bien sûr, après l'après Bolt, c'est le cas de le dire, qui a du mal un petit peu à refaire surface, les Jamaïcains, et qu'on aura certainement l'occasion de revoir prochainement. C'était des mondiaux qui se déroulaient donc au Japon, et les Bleus qui ont quand même un bilan intéressant sur ce week-end de compétition. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler de l'athlétisme, puisque la saison en plein air va démarrer. À noter que rapidement, côté qui est pas cette fois sur ce week-end de perche, mais on parle d'Armand Duplantis qui rappelle avait battu Rodo de la Villani lors des derniers championnats du monde. Armand Duplantis qui hier a passé une barre à 6 mètres samedi plutôt. Bravo à lui qui passe déjà 6 mètres Donc meilleure performance mondiale de l'année, quand même à son troisième essai. C'est un meeting qui se déroulait aux États-Unis. Nouveau record universitaire américain, la perche. Et donc deuxième fois qu'il passe les 6 mètres, puisqu'il avait remporté, on rappelle, le titre européen le dernier avec 6,05. Donc voilà, il est déjà prêt hein, pour la saison à venir, Armand Duplantis. Il sera à coup sûr encore très performant cet été. Et puis bien sûr, on retrouvera la Villeni, lui aussi, qui on espère va revenir très fort également. Voilà pour la petite parenthèse athlétisme. On va refermer et poursuivre. Alors, on va pas parler de handball tout de suite, puisqu'on va attendre que Sylvain soit avec nous justement pour en parler. Bien sûr, on parlera de Gien qui jouait une nouvelle fois ce week-end. On parlera de Fleury qui va finir sa saison, les Panthères, ce week-end. Match de classement en championnat. Et puis de Metz, bien sûr, qui jouait le Final Four de Ligue des Champions, qui était sorti. Et puis voilà, puis la saison qui va se terminer un petit peu partout aussi du côté du handball évidemment. Après après toute cette grosse saison, on va refaire aussi le bilan là-dessus dans un instant, mais avant ça bien sûr on va poursuivre en attendant que qu'il soit avec nous notre ami Sylvain, et on fera le point sur tout ça. Un petit mot concernant le Giro au cyclisme qui a démarré. Le Giro qui a donc démarré, on rappelle le fameux Tour d'Italie, puis bien sûr le Tour de France qui va arriver un petit peu plus tard, hein, évidemment. Avec cette troisième étape qui avait lieu, donc cette troisième étape, pour deuxième place pour Arnaud Démare qui a été battu donc au sprint lors de cette troisième étape. Mais on va voir au classement général pour le moment, eh bien c'est le Slovaque Roglic qui est devant, Sam Yates l'Américain deuxième, Vincenzo Nibali l'Italien est troisième pour le moment, Tom Dumoulin le Hollandais est cinquième, premier Français Tony Galopin à une minute notamment, et puis plus loin derrière Démare qui est 47e pour le moment à un peu moins de 2 minutes de retard. Bien sûr, les étapes vont être longues puisqu'on va en a pour 3 semaines. Tour d'Italie, ce Giro d'Italie, et ça va se poursuivre demain avec une étape longue de 228 km. Voilà, puis il y aura de belles étapes, un contre-la-montre pour finir la semaine aussi. On fera le point sur ce Giro la semaine prochaine après une nouvelle semaine de compétition. Voilà sur. C'est ce direct. Tiens, ça bouge en tennis. Un nuage partout entre Richard Gasquet et Jean-Michel Hardy. Gasquet qui a breaké pour s'imposer dans la seconde manche 6 jeux à 4. Et c'est lui qui va démarrer au service, ce qui peut être un avantage, on le dit souvent, qui va démarrer au service ce troisième et dernière manche dans un instant. Pour essayer de s'imposer et passer au tour suivant. On rappelle que le vainqueur de cette rencontre affrontera Rafa Nadal au second tour. Donc c'est pas un cadeau. Puis bien sûr, on parlera en plus en détail de Rafa Nadal tout à l'heure. Lui éliminé en demi-finale à Madrid et qui est éliminé pour la troisième fois en demi-finale d'un tournoi depuis 3 semaines. Hein. Déjà à Monte Carlo, également à Barcelone. On va bien sûr en reparler juste après. Le temps pour nous de marquer une pause et puis on revient avec plein de choses. On va parler donc de basket dans un instant avec la fin de saison aussi un peu partout. Donc du tennis bien sûr, le hand on le garde chaud pour tout à l'heure pour Sylvain et puis bien sûr du rugby aussi. Pas mal de choses encore. Une pause et on revient pour le son. Qu'est-ce qu'on nous propose? Plein de choses. C'est intéressant, il y a pas mal de choix. Dites-nous ce que vous avez envie d'écouter. On nous propose Oasis. C'est parti pour Oasis Wonderwall. D'ailleurs un titre qui a été chanté par les Citizens après le titre en première ligue ce week-end. Allez, à tout de suite. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oasis avec ce titre Wonderwall à l'instant pour le deuxième son de cette soirée. On poursuit avec la deuxième partie tout de suite et c'est le basket tout de suite que l'on évoque avec d'ailleurs un direct dont on va parler encore une fois tout de suite et c'est encore très serré d'ailleurs entre Bourg-en-Bresse et Nanterre. Nanterre qui est toujours devant 62-59, toujours aussi serré, 4-28 à jouer dans le dernier quart-temps. On rappelle, dernier match de la 33e journée de Jeep Elite. Le basket, donc, avec justement eh bien, cette Jeep Elite, avec la saison régulière qui approche de la fin, bien sûr, avec les playoffs qui vont arriver. Résultat de la 33e journée donc, et avant-dernière journée, qui a été un petit peu décomposée, on va en parler. Victoire d'abord de Chalon-Reims. À Chalon-sur-Saône en bas de tableau, victoire d'Antibes face à Levallois, Cholet a battu Fos-sur-Mer là aussi en bas de tableau, victoire de Strasbourg face au Portel, Strasbourg qui lutte pour les playoffs, Monaco s'est imposé face à Boulazac, victoire de Pau face à Limoges, et puis donc en direct Bourg-en-Bresse-Nanterre demain, Dijon, Le Mans. Et pour fermer mercredi, l'ASVEL, le leader, recevra Gravelines. Au classement, l'ASVEL restera leader quoi qu'il arrive. Après sa rencontre, Nanterre est deuxième et pourrait y rester en cas de succès, puisqu'on rappelle que c'est en direct. En cas de défaite, eh bien Nanterre passerait troisième, même quatrième, non troisième, troisième, qui repasserait derrière Monaco. Rappel qui est troisième et du coup qui pourrait du coup bénéficier de cette victoire. On va y venir tout à l'heure. Dijon de son côté est quatrième, Pau, ensuite Le Mans, Strasbourg, Limoges sont pour le moment qualifiés. En bas, Cholet, Le Portel, Fos-sur-Mer et Antibes sont en bas de tableau. La dernière journée, donc 34e et dernière journée pour finir la saison, sera samedi à 20h, tous les matchs samedi 18 à 20h, c'est ça, pour finir la saison régulière. Et puis bien sûr, juste après, démarreront les playoffs. On rappellera un format, un quart de finale, demi-finale, finale, avec bien sûr le meilleur des trois matchs. Pour la finale, le meilleur des 5 matchs, on y reviendra, puisque c'est vrai que ça change assez régulièrement aussi, et on va en reparler tout à l'heure. En Pro B, là aussi la saison qui se rapproche de son terme, belle victoire et importante victoire d'Orléans. L'OLB s'est imposé hier à Poitiers, 83-79. Orléans qui était mené même et qui s'est qualifié, qui est revenu en fin de match importante. On va le voir pourquoi. Dans le même temps, hier, victoire de Rouen, leader, face à Blois, 84-78. Victoire de Vichy qui était vraiment important aussi pour Vichy de s'imposer face à Denain, 102-100 après prolongation. Et puis Rouen qui a battu le Caen à l'extérieur. Et au classement, Rouen est leader avec une victoire d'avance sur ses poursuivants, à savoir Rouen, Orléans et Vichy. Voilà, ces trois équipes sont à égalité et Rouen a une victoire d'avance. Tout se jouera dans les deux dernières journées importantes. C'est d'abord vendredi soir et samedi soir les matchs. Vendredi soir, le match important, c'est entre Rouen et Vichy, le leader Rouen qui reçoit Vichy qui est finalement deuxième égalité. Une victoire de Rouen leur permettrait quasiment de finir en tête. C'est une victoire de Vichy et relancerait tout, évidemment. C'est bien sûr ce qu'on peut espérer pour Orléans, hein, bien sûr, puisque si Rouen s'impose, ce sera presque fini pour la montée directe. Hein, puisqu'on rappelle que le premier à l'issue de la saison régulière monte directement. Sinon, il faudra passer par un barrage. Et puis Rouen deuxième, égalité également, reçoit Lille. Orléans, de son côté, recevra Caen samedi soir à 20h. Caen qui est 17e et qui est relégable, donc il faut absolument s'imposer, il n'y a pas d'autre choix. Samedi 18 à 20h au Palais des Sports, allez-y hein, pour les passionnés et les supporters, allez-y, il y a besoin de supporters. Samedi soir 20h au Palais des Sports, victoire impérative face à Caen pour espérer toujours finir premier direct, et c'est encore possible. Tout se jouera déjà vendredi soir hein. Si Rouen s'impose face à Vichy, ça va compliquer les choses bien sûr, mais si une victoire de Vichy, ça pourrait tout relancer. Et évidemment, il y aura une motivation supplémentaire samedi soir. Et puis Rouen de son côté jouera à Lille aussi vendredi soir. Donc finalement Orléans sera quand même bien avancé samedi soir sur son classement possible hein, après bien sûr les matchs de vendredi soir. Et puis l'ultime journée, ce sera vendredi 24, le vendredi prochain, où Vichy va recevoir aussi un prétendant, puisqu'il va recevoir Rouen. Vichy qui a un calendrier quand même compliqué hein, Rouen puis Rouen, les deux premiers du classement. Donc Vichy qui a tout à gagner évidemment sur ces deux dernières journées, qui peut finir premier. Et puis Rouen de son côté, donc Vichy Rouen, Rouen ira à Caen qui est relégable, on rappelle, donc potentiellement une victoire à la clé. Et puis Orléans pour finir se déplacera à Lille qui est 12e et qui a aucun enjeu. Donc voilà en tout cas les différents matchs qui vont arriver, puis différents scénarios possibles. Il faudra gagner les deux bien sûr, espérer une défaite de Rouen sur l'un des deux matchs pour finir en tête, espérer monter directement. Sinon il y aura un fameux barrage Corian avait déjà joué la saison passée et qui s'était incliné en demi-finale. Donc voilà, on n'a pas un très bon souvenir de ces barrages, mais s'il faut y aller, bien sûr Orléans ira et fera le maximum pour essayer de monter cette année en Jeep Elite et retrouver l'élite après trois saisons passées déjà en Pro B. On verra, en tout cas ça se jouera déjà dès samedi soir. On rappellera tout à l'heure dans l'agenda, mais samedi soir, 20h au Palais des Sports. Voilà en Pro B. En ce qui concerne, avant de bien sûr évoquer, et on va y venir dans un instant, c'est bien sûr la NBA et la saison qui se poursuit. Et on arrive, ça y est, on va y arriver tranquillement dans la finale NBA. On est pour l'instant au final de conférence, mais on va y arriver. L'Euroleague, qui va bientôt aussi toucher à son terme, on est dans les demi-finales de play-off. Qui vont démarrer ces demi-finales de play-off avec Fenerbahçe Istanbul et dans l'autre demi CSKA Moscou Real, les demi-finales qui vont démarrer là aussi le meilleur des 5 matchs pour se qualifier pour la finale. Et la NBA, donc ça y est, on connaît les affiches des finales de conférence. À l'ouest, ce sera les Warriors qui ont battu les Rockets Houston 4 rencontres à 2 finalement, avec un dernier succès la nuit dernière, il y a deux nuits de ça, à Houston, 118-113, et qui avait déjà gagné à domicile au match précédent, qui a validé sa qualification à l'extérieur face à Portland, qui a battu Denver sur une série de 4 matchs à 3. Ça a été jusqu'au bout, match 7 remporté dans la nuit dernière à Denver à l'extérieur, en plus qui plus est 100-96, donc qualification de Portland qui affrontera les Warriors. À l'Est, ce sont les Milwaukee Bucks qui sont qualifiés assez largement d'ailleurs face au Boston Celtics, victoire 4-1, dernière victoire obtenue ce week-end assez largement d'ailleurs sur le score de 116-91, et qui affrontera donc Toronto, les Raptors qui ont battu Philadelphie là aussi, match jusqu'au bout 4-3, dernière victoire ultra serré d'ailleurs, avec un petit score, c'est presque des scores de en France, puisque 92-90, on a plutôt l'habitude de dépasser les 100 points en NBA, mais pas là. Des belles défenses, et c'est Toronto qui s'impose donc et qui se qualifie. 92-90, c'est fini pour les Sixers, qui ont fait une belle quand même un beau parcours. On rappelle qu'ils n'étaient pas favoris du tout dans cette conférence, mais voilà, qui est arrivé quand même en demi-finale et qui s'incline vraiment au bout du bout face à cette équipe de Toronto, qui jouera donc la finale de conférence dans cette conférence Est face à Milwaukee. Le début de ces finales, ça va démarrer alors pour l'Ouest, Warriors Portland, puisque les Warriors vont recevoir les deux premiers matchs, donc ce sera dans la nuit de mardi à mercredi pour la première rencontre. Je peux peut-être même vous donner un horaire, on va regarder si c'est, on peut déjà trouver ça. Et puis donc ça c'est bon pour les matchs à l'ouest donc, et à l'est. Donc début des matchs entre Milwaukee et Toronto, qui vont s'étaler sur une grosse semaine, un peu plus même. Ça dépend jusqu'où on va bien sûr. Là aussi donc décalage avec de la nuit de mercredi à jeudi pour le premier match. Donc Milwaukee va recevoir bien sûr les deux premiers matchs avant de se déplacer deux fois, et puis éventuellement il y aura d'autres matchs. On verra en tout cas si ce sera un fameux sweep 4-0, ou est-ce qu'on aura... C'est pas arrivé pour le moment, ce sera peut-être le cas sur ces finales, on verra, c'est pas l'habitude, mais c'est possible. Milwaukee Toronto, donc 2h30, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis pour l'autre rencontre, donc entre, on le disait tout à l'heure, Golden State et Portland, 3h dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà pour les rencontres de ces playoffs en NBA. Et tout ça va se prolonger jusqu'au début du mois de juin, mi-juin même, potentiellement avec la grande finale NBA. Voilà le point en basket. On referme cette page. On rappelle nos directs et ça se termine. Et c'est Bourg-en-Bresse qui a... pris l'avantage, oui, puisqu'ils n'ont pas jamais été devant, c'est la première fois dans ce match. Bon, bref, ce qui a pris l'avantage, 70-67, 1 minute 5 à jouer, temps mort demandé à l'instant par Nanterre. On va voir si Nanterre va pouvoir revenir. Lui qui a été devant tout le match. On va suivre ça. En tennis, entre Richard Gasquet. Donc dans son match face à Jérémy Chardy, match qui n'avance plus, et j'ai l'impression que le match a été arrêté puisque pour l'instant ça ne bouge plus. On va juste valider ça, mais je pense que le dernier match, enfin, en tout cas la fin de ce match, sera demain puisque ça n'a plus l'air de bouger. Oui, le match a été suspendu après pour la nuit, et le match qui se finira demain. Ce sera le premier match d'ailleurs à démarrer. Et ce sera tout de suite aux alentours de 11h pour finir la rencontre entre Richard Gasquet et Jérémy Chardy. On rappelle que pour l'instant, la pause à 1-7 partout, 6-1 pour Chardy dans la première, 6-4 pour Gasquet dans la seconde. C'est Gasquet qui servira le premier, qui peut en avantage dans cette ultime manche. Donc demain matin, fin de match. Et puis au tennis, également un autre match chez les femme qui se finit, qui va et qui s'est fini d'ailleurs, donc il n'y a plus de direct chez les femmes, donc c'est fini pour le tennis ce soir. En foot, en Italie, c'est reparti depuis un quart d'heure entre l'Inter Milan et le Chievo Vérone, le troisième face à la lanterne rouge, 1-0 toujours pour l'Inter Milan à l'heure de jeu, donc, et encore une demi-heure à jouer dans cette rencontre. C'est le seul direct ce soir puisqu'il n'y a pas de Ligue 2, hein. On rappelle que les deux dernières journées c'est en même temps, donc il n'y aura pas de direct ce soir. Bourg-en-Bresse, Nanterre, 72-67, plus 2 pour Bourg-en-Bresse après deux lancers francs. Oui, c'est ça, il reste 18 secondes à jouer. Ouais, 18 secondes, 72-68, lancer franc réussi à l'instant pour Nanterre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc un lancer franc pour deuxième lancer franc qui va être joué normalement dans quelques secondes pour revenir à 3 points. Il restera, et finalement le lancer franc manqué, le deuxième, et une faute provoquée assez logique de Nanterre qui va emmener Bourg-en-Bresse devant le panier pour essayer évidemment de réussir ses paniers pour normalement donner un avantage définitif. Voilà pour le basket, notre direct qui va se terminer en quelques secondes. Du rugby, donc, avant de bien sûr parler de tennis, il y aura le hand aussi dans la foulée, peut-être avec normalement Sylvain qui sera avec nous dans les quelques minutes qui arrivent, Jérôme aussi qui devrait être avec nous dans quelques vingtaine de minutes. Résultat du top 14, c'est la 24e journée que l'on jouait samedi et hier. Noté assez partagé, puisque 3 victoires à l'extérieur, 4 victoires à domicile. Assez partagé. Victoire carton, on l'avait évoqué, c'était samedi dernier, de Toulouse face à Pau. 83-6, c'était le carton. Voilà. Et puis, cette Française qui avait battu le Racing pour fermer cette journée. La 25e journée, avant de vous parler de cette journée, le classement, puisque les enjeux, il y en a quelques-uns. Pour le tableau, Toulouse et Clermont, ça ne bougera plus, bien sûr. On rappelle qu'il y a encore des places à prendre pour notamment Montpellier, le Stade Français, qui vont se battre avec le Racing et Castres pour les deux dernières places qualificatives. La Rochelle peut être aussi dans le coup, hein, ça se joue à peu de choses. 25e journée cette semaine, samedi dimanche. Voilà, avec des enjeux divers. Pour Montpellier, il y aura la réception du Stade Français. Voilà, ce sera le vainqueur aura conservé une chance de se qualifier. Pour le vaincu, ce sera fini, malheureusement. Toulon Clermont au programme aussi. Toulon qui a plus d'espoir, hein. Clermont qui finira deuxième, donc il n'y a pas d'enjeu particulier dans ce match. Castres ira à Agen pour essayer de conserver sa place de cinquième. Le Racing ira à Perpignan pour aussi conserver sa sixième place également. Et puis bien sûr, il y aura la dernière journée ensuite, 26e de la saison régulière, samedi suivant, le 25, et les matchs auront lieu à 16h30. Bien sûr, on parlera de ça lundi avec les différents enjeux possibles. Ce week-end, c'est les finales de Coupe d'Europe. D'abord, dans la grande finale, c'était donc les Saracens qui se sont imposés sur un petit score d'ailleurs face au Leinster 20-10, petit score dans cette rencontre. Le Leinster qui menait 10-0 à la pause, un essai de Jonathan Sexton transformé d'ailleurs après non un essai pardon de Jonathan Sexton à la quatrième minute. 33e Furlong qui va marquer l'essai, transformé dans la foulée par Sexton, 10-0 à la pause. Et puis derrière c'est les Saracens qui sont bien revenus. O'Farrell, une pénalité, deux essais dans la foulée, O'Farrell qui a transformé à chaque fois. Ça fait 20 points tout rond, 20-10, victoire des Saracens qui ont donc remporté leur troisième Coupe d'Europe avec une finale quand même assez dense. Peu de spectacle, hein, on peut le voir avec le score. Mais voilà, en tout cas, ce sont les Saracens qui remportent ce trophée. Dans l'autre coupe, la deuxième Coupe d'Europe, c'était une finale 100% française dans la Challenge Cup entre Clermont et La Rochelle. Clermont qui a logiquement et largement dominé La Rochelle dans cette finale à Newcastle. Ça se déroulait. Trois essais transformés. Un essai de Penaud, de Lee et de Fofana. Morgan Parra à la transformation. À la pénalité, pardon. Et derrière, c'est notamment Len Lowe qui a transformé ou marqué quelques pénalités régulières. Un essai seulement transformé côté La Rochelle. Et trois pénalités. Trop peu pour s'imposer, clairement. Donc, sauf ce challenge européen. Et voilà, en tout cas, une nouvelle victoire pour eux dans une finale de Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était plutôt la grande coupe. Et bah, cette fois, ce sera ce challenge pour les Clermontois. Qui on rappelle sont deuxième et qui vont jouer le titre à fond bien sûr en top 14. Voilà pour être précis et complet sur cette partie de rugby. Un mot pour finir en rugby du RCO qui jouait son, on rappelle, son 16e de finale retour. On avait parlé largement la semaine dernière en 32e pardon, finale de retour d'ailleurs de playoff aussi en Fédéral 2. Il y avait un enjeu, c'était une potentielle qualification en 16e. Et puis on rappelle qu'un petit peu plus loin, en arrivant en quart de finale, on se qualifie et on est directement en Fédéral 1 la saison prochaine, la saison suivante. Et il y avait cet enjeu bien sûr côté Orléans après une courte défaite. C'était la semaine dernière à domicile. Malheureusement, il n'y a pas eu de. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de surprise. Et le miracle, défaite, large défaite d'ailleurs à l'extérieur à Moléon. 46-3. Rien qui n'a pas existé. Une pénalité seulement. Et 46-3. C'est lourd. 7 essais à rien. Et donc, c'est fini pour Orléans en 16e de finale. Et qui s'arrête donc. Ils ont quand même joué, c'était vraiment l'objectif, jouer les playoffs. Malheureusement, il n'y aura pas plus cette année. Il y aura une nouvelle saison à coup sûr en Fédéral 2 la saison prochaine. Voilà pour le RCO, on le rappelle. Voilà pour le rugby, on referme du coup cette page. On rappelle nos directs, c'est fini. Je regarde, c'est terminé en basket. Il ne restait rien du tout, ça y est. Non, pas encore. Et ça se joue vraiment, on rappelle, les dernières secondes, ça peut être assez long. 73-70, toujours pour Bourg-en-Bresse plus 3. C'est un temps mort demandé par Bourg-en-Bresse, alors qu'il y avait 73-68, ça s'était arrêté tout à l'heure. Et les deux lancers francs réussis par Nanterre, qui est revenu à moins 3 donc. Et donc, ça fait temps mort pour le moment, 8 secondes à jouer. Et c'est Bourg-en-Bresse qui aura la possession logique. Et donc on aura normalement une seconde. Est-ce qu'il y a eu une faute? 75-70, c'est fini. Alors il reste quelques millièmes de seconde, mais il reste plus 5 pour Bourg-en-Bresse, ce sera fini. Nanterre qui a mené une grosse partie du match et qui a été rejoint dans le Money Time, et finalement c'est Bourg-en-Bresse qui va s'imposer dans cette rencontre. Puisque là, on est à plus 5. C'est fini à l'instant. Et donc, victoire de Bourg-en-Bresse face à Nanterre en ce dernier match de la 33e journée. Ah non, pas dernier, puisqu'il y en aura encore un demain et un mercredi, pardon. Donc, autant pour moi, il y aura encore deux matchs dans cette journée de JP Elite. En Italie, foot, c'est le dernier direct qui nous reste finalement, entre l'Inter, Milan et le Chievo Vérone. 1-0 toujours pour l'Inter. But à la 39e, il reste 20 minutes. L'enjeu pour l'Inter, c'est évidemment, en cas de succès, de reprendre la 3e place à l'Atalanta Bergame. Voilà, c'est assez serré aussi. On le verra tout à l'heure en Italie, mais c'est serré. Et il reste encore 2 journées, donc il peut se passer encore pas mal de choses. Donc, bien sûr, on va refaire le point sur tout ça tout à l'heure. Et avant de parler de foot, bien sûr, il nous reste encore 2 sujets, le tennis et bien sûr le hand. Le hand, on va le garder chaud tout à l'heure pour Sylvain qui va être avec nous dans quelques minutes pour évoquer tout ça. Jérôme avec nous pour le foot et les pronostics aussi. Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas eu, on va pouvoir faire le point sur tout ça. Et puis aussi un petit mot des équipes de France. Équipe de France foot féminine, masculine aussi. Voilà, on va faire le point un petit peu sur tout ça. Tennis, donc, avant de passer au sujet suivant, tennis. Semaine dernière, victoire à Madrid, de Masters 1000 de Madrid, de Novak Djokovic, voilà, qui va mieux. Après, on rappelle une victoire inaugurale en janvier à l'Open d'Australie. Il n'y avait rien eu pour Novak Djokovic depuis des éliminations précoces. Et cette fois, il a fait marcher la machine et il s'est imposé sur ce Masters 1000 de Madrid en battant en finale le grec Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4. Alors, rappelle Tsitsipas qui a comme l'exploit c'est d'avoir sorti Rafa Nadal en demi-finale, un match de plus de 2h30, 6-4 2-6 6-3. Nadal, c'est pour lui, c'est une nouvelle défaite en demi-finale d'un tournoi sur terre battue. On rappelle, il y avait eu Monte Carlo, il y avait eu Barcelone, et il y a cette fois Madrid, qui est resté pendant sur un beau parcours, l'Espagnol. Une victoire assez encourageante face à Auger Aliassime en 2 manches, Tiafoe également en 2 manches, Wawrinka en 2 manches, 6-1, 6-2 en quart de finale. Et finalement, qui a été surpris par Tsitsipas, le grec, qui lui aussi fait un gros tournoi, puisqu'il sort notamment Zverev en quart de finale en 2 manches, donc belle perf pour lui. Djokovic de son côté, qui a eu affaire à demi-victime en demi-finale, 7-6 7-6, victoire en 2 tie-break de Djokovic. Demi-victime, ce même demi-victime qui a battu Roger Federer en quart de finale. Tournoi plutôt réussi pour le Suisse, lui qui n'avait pas apparu sur un court en terre battue depuis 3 ans. Défaite en 3 manches, 3-6, 7-6, 6-4. Un tie-break dans la deuxième manche assez incroyable, 13-11. Score final avec 2 balles de match sauvées par Dominic Thiem sur son service. Et pour Roger Federer, il y avait eu aussi un match assez compliqué face à Gaël Monfils au tour précédent. Gaël Monfils qui a eu 2 balles de match, mais sauvé par Federer dans le tie-break de la dernière manche. Finalement, pour Federer, c'est plutôt une réussite, même un petite déception sur ses quarts de finale, mais une réussite. Et pour Djokovic, ça va beaucoup mieux. Il remporte son deuxième titre de la saison, donc après l'Open d'Australie. Au classement ATP, pas de changement, si ce n'est que Novak Djokovic a repris une grosse avance un peu plus au général. Plus de 12 000 points, il y avait très longtemps que ce n'était pas arrivé, après sa victoire, bien sûr. À Madrid, ça fait pas mal de points encaissés, puisque l'an dernier il avait fait qu'un tour, donc presque 1000 points encaissés, il faut le dire. Donc plus de 12 000 points pour le moment pour Novak Djokovic. Il aura encore évidemment pas mal de points à défendre d'ici la fin de cette saison. Et puis Rafa Nadal deuxième toujours, il a pris quelques points puisqu'il avait fait un quart de finale l'an dernier, donc il a quasiment autour des 8000 points. Roger Federer, troisième, n'a pas bougé, il a pris quelques points aussi puisqu'il n'avait pas participé l'année passée, 5700 points. Dominic Thiem, quatrième, a pris la place de Zverev qui lui en perd une, évidemment, vainqueur l'an dernier. Et bien ça fait une grosse chute pour Zverev, lui battu en quart de finale. Kanishikori reprend la sixième place. Tsitsipas reprend deux places, il est septième, son meilleur classement en carrière. Anderson 8ème perd 2 places, Del Potro 9ème perd 1 place, Cilic perd 1 place et récupère 1 place, pendant il réintègre le top 10, lui battu, enfin en tout cas sorti et qui a dû abandonner en demi-finale, face à en quart de finale, pardon, face à Djokovic. Il n'a pas pu jouer, victime d'une intoxication alimentaire, le croate. On espère qu'il va pouvoir revenir cette semaine à Rome. Chez les Français, Gaël Monfils a récupéré deux places, 16e. Malheureusement, il risque d'en perdre puisqu'il vient de sortir à Rome, on l'a dit, hein, déjà aujourd'hui. C'est prématurément. Lucas Pouille, 25e, 3 places de gagné. Gilles Simon, 28e. Gasquet, Herbert, 39e, 40e. C'est serré. Chardy, 42. Père, Manarino sont dans le top 50. Voilà. Et puis un petit peu plus loin dans le top 100, on retrouve Hugo Humbert et Thierry Vitronga qui a attaqué le top 100. Il est 92e. Pour le moment, voilà les Français dans le top 100 qu'on peut vous donner. Chez les femmes, victoire dans le tournoi de Kiki Bertens à Madrid. Donc la néerlandaise qui s'est imposée face à Simona Halep, tête du sien numéro 3 du tournoi, 6-4, 6-4. Voilà, victoire de la néerlandaise qui n'était pas favorite pourtant, mais Osaka sorti rapidement en quart de finale, la numéro 1 mondiale. Et voilà, c'est donc la hollandaise qui s'impose dans ce tournoi de Madrid. Chez les femmes, au classement, il y a eu un changement, c'est que Simona Halep a récupéré une place malgré sa défaite hein, au final. Elle est deuxième, Kerber troisième, toujours en Osaka, c'est serré hein. Bertens quatrième, elle reprend trois places. Vitova, pour elle, elle en perd trois, les cinquièmes désormais. Les françaises, la première, Caroline Garcia, 22e. L'autre française est loin, Alizé Cornet, 53e. Mladenovic, 63e seulement. Très loin de son meilleur niveau, évidemment. Cette semaine, Rome au programme. Dernier tournoi sur terre battue avant Roland, bien sûr, Masters 1000 de Rome. On vous le disait alors, quelques résultats déjà d'hier et d'aujourd'hui. Gilles Simon est sorti hier face à Philippe Kohlschreiber en trois manches. Victoire donc de Berrettini, l'Italien, face à Luca Pouille en deux manches. Jeune Italien qui promet, qui avait été invité pardon, par le tournoi, qui s'impose. Gaël Monfils sorti par Ramos en deux manches. Il va perdre de précieux points. Tsonga aussi hier sorti face à Fognini, tout à l'heure même. Benoît Paire jouera demain face à Albot pour essayer de remonter le niveau français. Gasquet Chardy, c'était en direct, on rappelle. Match qui a été arrêté par la pluie, qui se terminera demain. Nadal, demain, plutôt après-demain, démarra face à ou Chardy ou Gasquet donc. Chez les têtes de série, donc Djokovic qui affrontera Shapovalov, un gros premier test pour le Serbe au deuxième tour. Shapovalov qui s'est qualifié aujourd'hui. À noter, il y aura un Medvedev Kyrgios demain. Goffin Wawrinka, pas mal aussi. Del Potro attendra l'un des deux d'ailleurs. Zverev face à Berrettini, d'ailleurs le jeune italien. On aura Cilic qui va donc revenir hein. Il est a priori sur le tableau en tout cas engagé. Nishikori, Tsitsipas est là aussi. Roger Federer qui attend son adversaire, ou Frances Tiafoe, ou Souza le portugais. Ce sera demain d'ailleurs. Donc Federer qui a annoncé après son match à Madrid, après sa défaite en quart, qu'il serait à Rome. C'était pas prévu dans son programme de base. Mais là, il est plutôt bien en jambes et il a encore besoin de peut-être quelques repères avant le grand chelem parisien. Donc il sera cette semaine à Rome. Lui qui n'était plus apparu depuis 3 ans, et sa dernière défaite d'ailleurs à Rome face à un certain Dominic Thiem, qu'il a d'ailleurs battu déjà vendredi à Madrid. Khachanov aussi sera dans la suite du tournoi. Donc dernier Masters 1000 avant Roland. Bien sûr, la semaine prochaine, Roland Garros, on peut y faire un tour cette semaine, puisque ce sont les qualifications qui ont lieu toute la semaine jusqu'à jeudi. Voilà, ça jusqu'à jeudi. Donc les qualifications vont démarrer aujourd'hui jusqu'à jeudi. Jeudi, tirage au sort. Et puis à partir. Pardon, la semaine prochaine, autant pour moi. La semaine prochaine, les qualifications hein, du 20 au 24, et puis le tournoi qui démarra le 26 hein, bien sûr le dimanche 26 comme d'habitude. On aura donc l'occasion d'en reparler avec toutes ces rencontres qui vont démarrer dès dimanche 26, et puis on parlera des qualifs avec des Français bien sûr qui seront et Françaises qui seront attendues pour les qualifications évidemment. Voilà le tennis pour être complet. Cette semaine, donc Rome, chez les femmes également, bien sûr. On aura un petit point d'ailleurs sur nos Françaises qui sont engagées à Rome cette semaine avant de poursuivre. Osaka, donc, bien sûr, est là. Alizée Cornet, qui est présente chez les Françaises. Je regarde Garcia Milovic qui vont s'affronter au premier tour. Alors l'avantage c'est qu'il y en aura une au second tour. L'inconvénient c'est que bah, il n'y en aura qu'une malheureusement. Et puis Kvitova, donc seulement trois françaises présentes à Rome cette semaine. Allez, on va marquer une pause. On fait un point. Bah, notre seul direct dernier, c'est donc Inter Milan, Kvitova Vérone 1-0 toujours. 10 minutes à jouer. Kvitova Vérone qui était réduit à 10 il y a 5 minutes, donc qui a beaucoup de mal à finir la rencontre. Bon, ça n'est qu'un but d'écart. Après la pause, Sylvain avec nous pour le hand. Je sais qu'il nous écoute, Sylvain. Eh bien, je t'attends. Nous t'attendons pour le hand juste après une petite pause. Donc, le temps d'écouter ça. Il y a une petite demande. Bah, on va pouvoir écouter ça. Tu nous demandes. Dick Rivers. Oui, Dick Rivers bah, qui nous a quittés. C'est vrai, malheureusement. Eh bien, on va lui rendre hommage avec. Un titre tout de suite qui va démarrer dans quelques secondes dans le ghetto, ça s'appelle, c'est parti, et juste après donc handball avec Sylvain, on n'est pas en avance, c'est 22h40, donc handball, on va évoquer tout ça. Jérôme dans la foulée avec nous d'ici 22h55, allez jusqu'à 23h, et puis on aura une demi-heure de donc de foot pour évoquer tout ça. Allez, c'est parti pour Dick Rivers. Donc ce titre dans le ghetto 98, c'est ça. Juste après, donc Sylvain avec nous pour le round. À tout de suite. Et tu pleures maman. Tu pleures ton enfant parce qu'il vient de naître, qu'il n'est plus de toi, qu'il est bon à mettre dans le ghetto. Et tu pleures maman. Tu pleures ton enfant quand il sera grand, en battant la rue, mimant le gagnant dans le ghetto. Dans le ghetto. Tu voudrais lui dire, je te promets mon fils, qu'on ira faire un tour un jour chez Alice. Tu voudrais lui dire, mais tu es en coulisses, d'un monde qui tourne sans toi, sans lui, banni sur la bonne liste. Et tu pleures, maman. Tu pleures ton enfant qui pleure sur ton ventre, tu pleures en silence, tu pleures la violence dans le ghetto. Dans le ghetto. Et tu pleures, maman. Qui n'a pas un nom, qui n'a pas 20 ans, qui aura son temps dans le ghetto. Dans le ghetto. Tu voudrais lui dire, je te promets mon fils, qu'on ira voir la mer, qu'on ira jusqu'à Nice. Et tu pleures maman. Tu pleures cette neige qui ne tombe pas encore, qu'il tombera dehors dans le ghetto. Dans le ghetto. Et tu pleures maman. Tu pleures la malchance, il faut voir tes yeux. Tu pleures en silence ces gosses de banlieue, tous ces ghettos. C'est Dick Rivers avec ce titre dans le ghetto, et lui il est pas dans le ghetto, c'est Sylvain. Salut Sylvain. Salut, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, ça va. Déjà je te remercie pour d'avoir passé ce morceau. Ben je t'en prie. Parce que je trouve que ce gars est mort un peu dans l'indifférence générale, alors que je pense que c'était un très grand artiste. C'est ça qu'on en a pas beaucoup parlé. C'est vrai. Ouais. Et puis je te remercie aussi d'avoir décalé la chronique Hand. Bah écoute, c'est normal si tu peux être avec nous, mais c'est plus tard, c'est pas grave. Il y a pas trop d'horaires en fait hein, sur le. Ouais, je sais. Il y a un ordre plutôt voilà qui se fait assez logiquement, mais on peut décaler. Donc bah écoute, on va pouvoir évoquer tout ça. Ça s'amène un peu partout. C'est vrai que. Il y a plus grand chose pour certains clubs, mais pour Gien, bah, il y a encore pas mal de rencontres et d'enjeux. Ouais, enfin, malheureusement, c'est un petit peu fini, hein. Mathématiquement, c'est encore. C'est encore jouable, mais. Mais voilà, concrètement, malheureusement, c'est fini. Voilà. Après, voilà, après une nouvelle donc défaite. Ouais, chez le leader, Amiens. Voilà, c'est vrai qu'on en avait parlé, il y avait ce leader, bon, mais qui n'a plus rien à jouer. Ça reste le leader, quoi, quand même. Ouais, ça reste le leader, et puis voilà, il voulait à tout prix rester leader, et puis malheureusement, il y a un écart entre les deux équipes, hein, c'est indéniable. Donc, pourtant, ils ont passé, moi j'étais là-bas, ils ont passé un mauvais match, mais ça ne suffit pas. C'est trop fort, oui. Ouais. 37-29, ouais, le score, il est assez. Sans appel, c'est vrai que. Ouais, ouais, ouais, sans appel. Et puis, bah, du coup, Gien est dernier, là, cette fois. Voilà, et avec un point de retard sur nos gens. Ouais. Mais. Il faudrait, pour se maintenir, il faudrait que le 9e perde tous ses matchs et que Gien gagne tous ses matchs, ce qui est totalement impossible. C'est très improbable, oui. Hasbrook est 9e. Ouais. 46 points, ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, donc là, d'une part, faut plus compter sur soi. Déjà, ça fait. Ouais, déjà, ouais. C'est ça. T'as plus ton destin entre tes mains. Déjà, c'est mauvais. C'est mauvais. Et puis, non, je pense qu'il faut essayer de bien finir la saison. Enfin, après, je suis pas coach, mais moi, j'essaierai de faire jouer quelques jeunes de la réserve. Oui. Pour préparer un peu l'année prochaine. Et puis. Essayer de bien finir quoi. Après je regarde bon juste pour se donner un peu d'espoir le calendrier de Hasbro qui va se déplacer à Saintes ouais. Ce week-end qui est 7e donc qui n'est pas sauvé non plus mathématiquement donc Saintes ils peuvent voilà ils ont besoin de victoire. Après il y aura ce match face à Gien ouais. Et puis ils vont finir à Torcy qui est 4e qui n'a pas non plus d'enjeu ouais. Mais bah, après voilà c'est. Pourquoi non, mais c'est surtout qu'il faudrait que Gien gagne 3 matchs sur 3. Voilà. Alors qu'on vient d'en perdre 5 sur 6, là. C'est ça qui paraît un peu improbable, oui. Il y aura après, la... voilà, il faut jouer, hein, de toute façon. Tant qu'il y a un souffle de vie, il faut essayer. Il faut y croire, oui. Donc il y aura ce match face à la réserve de Paris ouais. À domicile. Tu seras samedi soir ? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, on sera là jusqu'au bout. Hein. 20h30. Donc ce sera donc Paris qui est 5e, 20h30 samedi. Ensuite, ouais. Tu auras donc le déplacement à Hasbrook. Ça se trouve qu'il sera déjà voilà, sans enjeu. Ça va dépendre ouais. De samedi et des deux affiches. Hein. Et puis enfin, il y aura dernier match à domicile face à Rennes qui est, je cherche Rennes. 4e, je crois, ou 5e. 3e même, oui. 3e, oui. Ouais, ouais. Bah, qu'on était allé battre oui. Chez eux d'ailleurs, à la surprise générale, il y a 3 semaines. Mais voilà, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau, malheureusement. Oui, il n'y a eu qu'une victoire. C'était la seule victoire d'ailleurs de cette campagne de seconde phase. Donc voilà, c'est pas fini, mais c'est mal engagé quand même. Non, mais tu sais, le problème c'est que bah, moi je me rends compte en plus parce que je fais des déplacements aussi. Et bah, on est un petit club par rapport aux autres. On va jouer contre des équipes qui ont, allez, je vais pas dire deux fois plus de joueurs que nous, mais pas loin. Et nous, on joue toujours avec le même, quasiment avec le même set sur le terrain. Oui. Et tu peux tenir comme ça pendant 3-4 mois, mais malheureusement, tu tiens pas toute une saison. Quoi. C'est vrai, quand on évoque les clubs, là, on a Amiens, enfin, c'est gros, c'est très très connu. Amiens, Angers, Rennes, ouais, la réserve du PSG, Saintes, Créteil, enfin. C'est pas des. Enfin, Gien, tu parles de Gien d'ailleurs, enfin, c'est pas connu, enfin, je veux dire, c'est pas reconnu. Allez. C'est pas une grosse ville. Mais quand on se déplace, il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà où c'est. Oui, voilà. Oui, ça m'étonne pas. Et puis là, financièrement, on peut pas rivaliser, quoi. Non. Non, mais c'est donc, logique. Hein. C'est logique. Bon, voilà, on va. A priori, le club va descendre au National 2. C'est pas une catastrophe non plus. Hein, c'est à peu près le niveau du club, la National 2, de toute façon. Oui. Et puis, voilà, il faut essayer de rebondir, quoi. C'est pas catastrophique. Presque un peu frustrant, c'est le début, enfin on avait déjà parlé, mais c'est ce début de saison, cette première phase qui avait qui était très bonne et ouais. Ouais. Il y a eu un petit coup de moins bien et un passage voilà de la passe enfin du play-off au play-down et ça c'est vrai que c'est assez j'ai envie de dire assez bâtard mais parce que tu vas jouer soit les play-offs soit les play-in enfin il y a pas d'entre deux quoi. Non, il n'y a pas d'entre deux. Et puis nous, on a même failli jouer des playoffs. Hein, on est passé pas loin. Bah oui, c'est ça. Ouais. À la dernière journée, on aurait encore pu jouer des playoffs. Et puis tu te retrouves en playdown, qui est un championnat assez, assez stressant quand même. Et voilà. Et puis ouais, on a fait un super début de saison sur la fraîcheur, sur la surprise, sur l'enthousiasme. Mais après, quand t'as un coup de moins bien, tu peux pas faire rentrer beaucoup d'autres joueurs. Quoi. C'est ça le problème. Non, c'est. Il n'y a pas de recrutement comme peuvent avoir d'autres clubs malheureusement et ouais. Et bon bah voilà, on va suivre samedi et puis on espère qu'il y aura encore une étape supplémentaire le samedi suivant mais ouais voilà il faut essayer de rester en vie comme on dit voilà ouais. Jusqu'au bout ouais. Donc ouais. Samedi réception alors ça pour ceux qui vont être au match ça peut être sympa comme cette réserve du PSG ça peut être voir des joueurs qui peut-être plus tard vont évoluer dans de très haut niveau. Soit des joueurs qui plus tard vont évoluer à très haut niveau ou même des très bons joueurs de première division. Oui, ouais, bien sûr. Qui font banquette au PSG. Ils n'ont plus rien à jouer, oui. Donc voilà, c'est un peu le problème. Enfin, on en a déjà parlé, mais ouais. Les réserves pro, malheureusement, dans un championnat, c'est un peu la loterie. Quoi. Oui, ça peut être tout ou rien, oui. Ouais. Mais ceci dit, pour les spectateurs, ouais, même les gens qui vont pas voir tous les matchs, ouais, ça peut être sympa. S'il y a un match à voir, c'est peut-être. Ouais, bien. C'est celui de samedi, ouais. Donc samedi 20h30, rendez-vous dans quelle salle puisque... Alors si je ne me trompe pas, on retrouve pour une fois la salle Curie. D'accord. L'antre du handball à Gien. Voilà, pour une fois on va pouvoir jouer dans notre salle. Bon c'est déjà ça. Pour recevoir le PSG c'est plutôt une bonne chose. Ouais, exactement. Donc samedi 20h30. Autre actu hand, c'est alors le titre pour le PSG, on en avait parlé, hein, ça y est. Ouais, ça y est. Qui a été sacré lors de la 22e journée. Victoire à Aix-en-Provence, c'était jeudi. C'est ça. Voilà, c'est fait. Montpellier. D'ailleurs, juste si on peut en parler. Ouais. Si tu veux sous-médiatiser un sport, fais le match décisif un jeudi soir. Oui. C'est parfait. Oui. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, mais. C'est vrai que c'est très rien. Jeudi soir, c'est impeccable comme jour. Non, mais c'est dingue. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait jouer samedi, enfin, en sachant que c'était le match du titre. Ouais. Tu peux faire une demande de décalage, à samedi. Ou même vendredi soir, au moins vendredi soir. C'est vrai que ça n'a aucun intérêt, jeudi soir. Mais déjà, de base, les journées en semaine, je trouve ça un peu mercredi, ouais, jeudi, ouais. C'est pas à regarder, quoi. Non, mais c'est ça. Et... En semaine, t'as la Ligue des Champions, le mercredi, t'as souvent la Ligue des Champions, enfin, en foot. Ouais, c'est ça. Tu regardes pas le hand si t'as la Ligue des Champions en face, clairement. Hein. Et l'autre jour, j'entendais le président de la Ligue de hand qui se plaignait de pas vendre les droits du hand assez cher. Ouais. Et j'avais envie de. Enfin, je pouvais pas lui répondre, mais. Je me disais, si tu fais jouer tes équipes, tes meilleures équipes le mercredi soir ou le jeudi soir. Ça va pas vendre grand chose, c'est sûr. Bah, c'est clair que. Il faut peut-être voir. Peut-être inverser. Là, avec des champions, c'est le week-end. Pourquoi on fait pas comme plutôt foot et inverser les champions en semaine et puis le week-end, tous les championnats, comme ça se fait dans quasiment tous les sports en fait. Ouais, c'est vrai, mais c'est très très particulier. Ouais. Ah, voilà, c'était juste une petite parenthèse, excuse-moi. Non, mais tu fais bien de le dire parce que c'est je me pose la question très souvent et en semaine, c'est vraiment pas logique. Bon, voilà. Après, c'est un autre débat, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Donc PSG, donc sacré, donc jeudi à Aix. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une victoire à domicile, c'est assez rare. C'est celle de Montpellier qui a battu Tremblay, mais tout le reste c'était des victoires à l'extérieur. Toulouse, Nîmes, Dunkerque, Chambéry, notamment. Donc Paris sacré, 43 points et qui a été battu, par contre, hier soir. C'était un match avancé de la 23e journée, 33-31 à Saint-Raphaël. Ah, peut-être le contre-coup aussi du titre. Hein. Puis c'est vrai que je sais pas pourquoi ils ont joué d'ailleurs avant, puisque. Bah, oui, je sais pas non plus, mais Saint-Raphaël, ça a jamais été facile de jouer là-bas. Hein. Non, c'est vrai. Oui, c'est bien de le dire. Ouais. Oui, ils ont été. Donc première défaite d'ailleurs à domicile. Enfin, première défaite tout court, il n'y avait pas eu de défaite pour le PSG. Ouais. Hier, donc match un peu avancé, je sais pas la raison d'ailleurs. Alors c'est là 4 jours après, et avec un peu l'euphorie, ça peut s'expliquer. Ouais, après je pensais qu'il voudrait à tout prix terminer invaincu. Oui, oui, bah oui. Mais voilà. Je n'ai pas compris. Donc 5e titre de champion de suite, hein, du coup, ouais. Avec cette victoire, avec ce titre. Donc là il y aura encore une journée cette semaine, bien sûr. Hein, on va pas changer les bonnes habitudes. Mercredi et jeudi soir Nîmes Montpellier. Et puis après il restera encore 3 journées. Bon, un peu. Nîmes Montpellier, ça va être chaud. Hein. Oui, parce que Nîmes-Montpellier, c'est 4e Nîmes contre 3e Nîmes, il y a un point d'écart. Ouais. Nantes est ici à 35 points, donc c'est super serré. Et on sait qu'il y a un enjeu, c'est la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Donc déjà, c'est un derby. Ouais, en plus. Et en plus, avec un sacré enjeu, je pense que ça va être très très chaud. Donc c'est trois premiers. Trois premiers, ouais. C'est ça, hein, donc, ouais. C'est ça. Donc là, Nantes 35, Montpellier 35, Nîmes 34, Chambéry 33. Donc là, il y a quand même. Il y a 3 équipes, 4 équipes pour 2 places. Donc ça va jouer jusqu'au bout. Donc il restera encore derrière. J'ai juste regardé par hasard si les dernières journées, c'est quand même pas le week-end. Mais non, il n'y a même pas de. Même les deux dernières, c'est. Non, c'est toujours mercredi, jeudi. Bon. Même la toute dernière, elle se joue encore sur 2 jours alors que c'est la dernière journée. Bon. Non, mais écoute, c'est pas grave. C'est désespérant. Ouais, c'est désespérant, c'est quel le lien. Ça c'est donc pour les garçons, donc ça se termine. Pour Saran, la saison est finie. Alors on s'était pas eu au téléphone. Si, je sais plus. Si, on s'était parlé après Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, que, un petit peu frustrant, mais voilà. Ah non, t'as raison, on s'était pas parlé. On avait évoqué le match, mais on s'était pas vu après le match. Ouais, c'est vrai que ce match nul, très frustrant en plus à Limoges. Ouais, en plus, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont une possession dans les dernières secondes. Ouais, ils ont mené deux buts à 2 minutes de la fin aussi. Enfin, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait moyen de se qualifier. Après, bon, peut-être qu'ils auraient été sortis rapidement, mais au moins ils auraient été en play-off, quoi. Mais ils auraient joué leur chance au bout, mais bon. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est comme ça, il y aura une nouvelle saison en Pro League l'année prochaine, ça c'est sûr pour ça, malheureusement. Pour les femmes, ça se termine aussi donc avec la finale de du championnat qui se jouera mercredi pour match aller et dimanche pour le retour. Pourquoi ça devait être samedi, mais Metz, on va en parler, jouer en Ligue des Champions, donc c'était pas possible évidemment. Pour Fleury, fin de saison dimanche en finale de classement. Face à Toulon, Saint-Cyr, donc ils sont imposés vendredi soir 36-31 et dernier match aura lieu au Palais des Sports donc vendredi dimanche à 18h face à Toulon pour finir 7e quoi du coup du championnat. Ouais, c'est ça. Qui est plus ou moins leur place quand même. Oui c'est ça, et j'ai vu passer là sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai vu passer il y a une nouvelle présidente qui a été nommée, je sais pas si tu as vu. J'ai pas vu non. Ah ouais, d'accord. C'est une femme qui va. Alors j'ai pas son nom, hein, j'ai pas retenu, mais d'accord. C'est une femme qui va prendre la présidence du club. D'accord. Et bah écoute, si ça peut faire bouger les choses pour retrouver des sponsors, bah, pourquoi pas. Hein. Et en tout cas, j'ai pas. C'est tout frais là, parce que j'ai pas vu encore. Ouais, c'est tout frais. J'ai vu ça cet après-midi là. D'accord. Très bien. Bah écoute, on va suivre ça. Alors. Et puis donc, ah oui, voilà, je l'ai là. Sabine Gullien Henrich, voilà, future présidente, qui est donc depuis 2002 en partenaire d'abord, et puis dirigeante au sein du club, donc qui était déjà au sein du club, qui a délégué régional de NJ. On peut citer juste voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, ce sera la future présidente donc de cette du club à partir de là en fait. Hein, ça y est, c'est officiel. Ouais. Et donc elle va du coup pouvoir officier plus ou moins, si elle sera pas sur le banc, mais elle sera là en tout cas dimanche au Palais des Sports. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. On va voir ce que ça va donner pour. C'est bien une femme, ça change aussi. Oui, pareil. Hein, il y a toujours des hommes président, mais c'est bien aussi qu'il y ait des femmes. Hein, donc. C'est une femme. Ouais, c'est c'est vrai. Donc voilà, c'est très bien que ce soit. C'est très bien. Que ce soit le cas. Donc Fleury donc jouera dimanche pour finir. Donc bon, il y aura pas d'enjeu 7 ou 8, mais ce sera le dernier match au Palais des Sports pour finir la saison. Et puis il y aura aussi donc les autres pour les 5, 6 et pour 3, 4 aussi ce week-end qui vont se finir. Et puis donc finale Nice-Metz mercredi soir et Metz-Nice dimanche soir. Metz qui semble se diriger vers un nouveau titre. Favori. Ouais, qui est archi favori, bien sûr. Malheureusement pour elle, il n'y a pas eu de titre ce week-end dans le Final Four de Ligue des Champions, battu en demi-finale par Rostov, par les Russes, 27-25. Ouais, finale. Et puis, j'étais très surpris, moi, qu'elle ne passe pas les demi. Mais... Bah ouais, c'était, on en avait parlé, c'était plutôt, enfin, elle faisait partie des favorites pour le titre. Ouais. Voilà, malheureusement, elles ont trouvé plus forte qu'elle sur cette demi-finale. Et puis elles ont été battues dimanche hier pour la petite finale, pour la troisième place, par Kristiansson, donc les Norvégiennes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pareil, c'est pas normal qu'elles perdent. Non, 31-30, oui. Non, elles auraient dû, à mon sens, finir au moins troisième. Bon. Ouais, non, il y a vraiment un problème avec les clubs français dans les phases finales. Ouais, on n'arrive pas à. Il y a toujours. Enfin, ouais, on a du mal à toujours là, on parie. Même quand on est favori, on n'y arrive pas. Ouais, c'est ça le problème. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Ouais. Et victoire. Et là, franchement qu'elles perdent les deux matchs, franchement, c'est très. C'est vrai, les deux. Alors que c'était vraiment très attendu. Elles avaient survolé. Leur quart de finale oui, en phase de groupe. Phase de poule, ouais. À poule, elles étaient vraiment au-dessus. C'est vrai que c'est surprenant de perdre les deux. Ouais. Alors après, est-ce qu'il y a une très grosse déception? Après, elles ont peut-être lâché la petite finale, je sais pas. Mais normalement, tu restes assez mobilisé quand même pour la petite finale. Et puis tu sais que tu as quand même une finale de championnat à jouer derrière, donc il faut quand même rester mobilisé. Quoi. Mais bon. Ouais, ouais. Après, je n'ai pas vu le match, je ne peux pas te dire. Mais bon, voilà, en tout cas, battu. Et victoire et titre pour l'équipe. De Gyori, comme ça qu'on prononce, je sais pas, Gyori. Ouais, je dis bien de bêtises. Donc face aux Russes, c'est un club hongrois. Hein, donc cette équipe face à l'équipe de Rostov, les Russes, donc sur le score de 25-24. Donc c'était très serré aussi pour la finale. Donc c'est elle qui remporte le titre dans cette Ligue des Champions féminine. Et puis on rappelle que chez les hommes. C'est donc la demi-finale qui se joue. Hein, ce sera pas tout de suite, hein, ce sera pas avant le premier jour. C'est vrai qu'entre les calendriers, il y a aussi un problème de. C'est décidément, les femmes c'est fini, mais les hommes c'est pas avant le mois de juin. Enfin, c'est un très très gros problème. On en parle quasiment tout le temps, mais c'est un gros problème. Hein. Au niveau de la gestion, c'est compliqué, oui. Donc Barcelone Vardar dans la première et Veszprém Kielce donc dans la deuxième. Donc samedi 1er, dimanche 2, le Final Four de Ligue des Champions féminine sans club français malheureusement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. Il restera à jouer la finale de la Coupe de France garçon. Là encore une fois, les filles c'est fait et ah, est-ce que les filles c'est fait? Ah non, cette fois j'ai des anneries. C'est la Coupe de la Ligue qui a été jouée un peu plus tôt. Mais pour le coup, je crois que ça va se jouer en même temps. Ça doit jouer le même jour, je pense. Berthier, ouais, cette fois-ci c'est assez logique. Bon. Pour une fois, je me suis trompé. Donc ce sera le 25 mai, Brest-Metz chez les féminines. Donc là, Metz qui a l'occasion de faire un doublé. Ouais. Ce sera donc ça déjà samedi prochain, ça va arriver vite. Et Chambéry-Dunkerque chez les garçons à 21h, donc 18h45 les femmes et dans la foulée 21h pour les hommes. Voilà, puis après on aura refermé cette saison. Voilà, il y aura des matchs à venir pour l'équipe de France. Hein. Je crois que c'est le mois prochain des matchs de qualification. Voilà, à l'Euro, mais je crois qu'ils sont quasiment qualifiés. Il manque un match encore, mais c'est presque fait. Et puis, parce que comme ils avaient perdu au Portugal, ils doivent leur manquer. Voilà, il manque un match. Il manque quasiment rien, mais voilà, ouais, c'est ça. Et pour les femmes aussi, il va y avoir des événements à venir. Ben, à la fin du mois, ce sera le mondial, si j'ai pas de bêtises, et les filles vont remettre leur titre en jeu. Puisqu'elles ont remporté, elles avaient remporté le titre l'an dernier déjà. Ça tourne vite, ça revient vite, hein, c'est vrai. Ouais, ça revient vite. Ouais. Tous les ans. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Je sais pas si on aurait peut-être oublié. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Bon, bah écoute. L'actualité commence à se calmer, ça se calmer un petit peu. Ouais. Ça y est, ouais. Et bah écoute, okay. On fera un petit point pour faire un bilan final. fois que tu seras fini, ça va pas tarder d'ici peut-être autour du 27. Ouais, 25. Ou même le, je crois. Ou même le 3 juin, comme ça, les Ligue des Champions seront finis. La saison sera. Enfin, en National 1, il reste 3 matchs, hein, donc il faut calculer 3 samedis, puis c'est fini. Et bah, ça tombe bien, parce que ce sera le 3 juin. Voilà, voilà, le 23 mai. Ouais. Ça nous permettra de faire un bilan de tout, puisque tout sera soit avec des champions, que ce soit pour GIA ou que ce soit pour. Voilà, on pourra faire un petit bilan de la saison. Voilà, un petit résumé de tout ça. Très bien. Ça marche. Écoute, rendez-vous pris, Sylvain. À bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, mais maintenant. À plus tard. Ciao, bye. Salut. Allez, nous, on va continuer 23h04. Déjà, on va avoir Jérôme avec nous. Dans quelques secondes, 23h04, on va le temps juste de marquer une pause. Oui, on va marquer une pause quand même. Et puis juste derrière, Jérôme avec nous pour le foot, donc le programme du foot, le foot européen, donc la fin de championnat un peu partout. On reviendra en France pour Ligue 1, Ligue 2, la Coupe d'Europe, bien sûr, on va en parler. Ça, c'est important. Donc plein de choses encore à voir. Il est 23h05, on va pas être en avance, c'est pas grave. Une pause, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc, dites-nous ce que vous voulez écouter, il y a plein de propositions. Je sais pas, dites-moi ce que vous avez envie. Ah oui, tiens, vous voulez écouter, il y en a beaucoup. Aloe Black, on va écouter Aloe Black avec celle-ci. Allez, c'est parti pour la dernière pause avant la dernière ligne droite. C'est Aloe Black, I Need a Dollar. Allez, 23h05, 6 même à l'instant. C'est sur Arc-en-Ciel, à tout de suite. Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Myself. Hello Black, I need a dollar à l'instant pour le son. Dernière partie de l'émission 23h10, déjà 20 minutes pour finir, ça va être un peu court, on va essayer de finir quand même dans les temps. Foot pour finir avec la fin de nos directs. C'est fini entre l'Inter Milan et le Chievo Vérone. 2-0 score final de l'Inter. On va voir dans un instant les conséquences de ce résultat au classement. Puisqu'on va faire le tour d'Europe de nos autres championnats. Commençant par l'Allemagne où le titre semblait jouer la semaine passée, mais finalement ce week-end qui a tout redistribué puisque le Bayern a été tenu en échec à Leipzig 0-0. Et que dans le même temps, le Borussia Dortmund a battu Düsseldorf 3-2. Donc ce qui veut dire que toujours 2 points d'écart entre le Bayern et Dortmund. Un match nul suffira au Bayern lors de la dernière journée pour être champion. Le Bayern qui recevra Francfort, qui est 6ème. On va en parler puisque Francfort de son côté, il y a de nombreux enjeux quand même pour cette dernière journée. Hein. Rappelle quelques résultats aussi d'abord. Match nul entre le Bayern Leverkusen et Schalke 1 but partout. Match nul de victoire de Mayence à Francfort justement 2-0 hier. Très mauvais résultat hein, puisque Francfort aurait pu reprendre la quatrième place en cas de succès. Bah c'est raté. C'était dimanche hier après-midi pour finir. Dernière journée, donc le Bayern reçoit, on l'a dit, donc reçoit Francfort, pardon, c'est ça, qui est 6ème, 54, qui peut encore finir 4ème, ce qui veut dire Ligue des Champions. Dortmund ira au Borussia Mönchengladbach, 55 points, qui doit gagner pour rester 4ème. Voilà les enjeux, donc dans ces deux matchs, les deux équipes de chaque match ont un enjeu. Donc voilà, ça va être jusqu'au bout. Le suspense dans ce championnat en bas. Nuremberg est relégué, tout comme Hanovre depuis un petit peu déjà. Stuttgart est barragiste officiellement, qui ne pourra plus revenir sur Schalke, qui est 15ème. Puisque Schalke a remporté un point important ce week-end. Donc c'est fini pour les relégations et les places de barragiste. Donc en Allemagne. En ce qui concerne pour finir en Allemagne, la finale de la Coupe d'Allemagne, ce sera la semaine prochaine entre Leipzig et le Bayern, le 25 mai prochain. En Italie, les résultats de la 36e journée avec la victoire de la Lazio à Cagliari 2-1, la victoire de Milan 1-0 à la Fiorentina, victoire du Napoli face à Spal 2-1, et puis la défaite de la Juve à la Roma 2-0, score très important pour la Roma. Florenzi, Dzeko sont les buteurs. Nouvelle défaite de la Juve. Et puis pour finir tout à l'heure, l'Inter, il y a quelques minutes, l'Inter a battu le Chievo Vérone 2-0. Résultat important pour l'Inter. Le classement de la Juve, 89 points. Naples, le deuxième, 76 points. Ensuite, très serré, l'Inter, 66 points, 3e. 4e, Bergame, 65 points. 62 points pour le Milan AC, 5e. La Roma, 6e, 62 points aussi. La Lazio 8e, 58 points, sera trop loin, a priori, même si c'est pas fini pour se qualifier. En bas, Chievo Vérone relégué depuis un petit peu. Frosinone également, c'est pas fini pour la dernière place. Empoli, pour l'instant, 35 points. Genoa, 36. Udinese, 37. Parme, 38. Toutes ces équipes sont concernées par la dernière place. La relégation. La finale de la Coupe d'Italie, c'est mercredi. Mercredi soir à 20h45 entre l'Atalanta Bergame et la Lazio de Rome pour finir cette Coupe d'Italie. En Espagne, le championnat de l'avant-dernière journée, 37e journée, hier après-midi, la victoire du Barça 2-0 face à Retafe. Très mauvais résultat pour Retafe, mais c'était pas évident bien sûr face au Barça. Vidal pour le premier but, et puis Djéné contre son camp pour le deuxième but. 2-0, victoire du Barça. L'Atlético tenu en échec, pas de conséquences, un but partout face à Séville. Pour Séville, c'est un point important. Défaite du Real Madrid sans conséquence à la Real Sociedad 3-1 avec une expulsion côté madrilène assez rapidement. Valence qui s'impose 3-1 face à Alavés, c'est important aussi. On va le voir, puisqu'au classement, le Barça, on rappelle, déjà champion, 83 points. L'Atlético 2e, 74 points. le Real Madrid 3ème 68 points, c'est derrière que ça va se jouer. Retafe 4ème 58 points devrait a priori y rester, même si c'est pas fini, à cette 4ème place. Valence 5ème 55 points, Séville 6ème 55 points, voilà pour l'Europe. En bas, c'est fini pour Huesca et le Rayo Vallecano depuis un certain temps. La dernière place entre Rayon, Valladolid et puis même les autres équipes sont concernées, même si elles sont un peu plus hautes au classement. 38e journée pour finir samedi et dimanche, les derniers matchs donc de cette saison en Espagne. La finale de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, ce sera le 25 mai prochain entre le FC Barcelone et Valence. On finit avec l'Angleterre, la Première Ligue. Le titre s'est joué sur cette ultime journée entre City et Liverpool. City qui est champion après sa victoire à Brighton sur le score de 4-1. Il fallait une victoire impérative, c'est fait. Brighton qui a mené 1-0 l'espace d'une minute seulement. Et City est revenu dans la foulée. Agüero, 28e, Laporte, Mahrez et Gundogan. City est champion après sa victoire. Et donc doublé aussi pour City, puisque City a remporté aussi, on le rappelle, un titre cette saison déjà. C'était la Coupe de la Ligue anglaise, remportée aux dépens de Chelsea, tir au but, on se rappelle, au mois de février. Donc il réalise un doublé. Et c'est seulement la première fois depuis 10 ans qu'un club en Angleterre fait un doublé. Deuxième titre consécutif, tout de même. Et 98 points pour finir. Et à savoir qu'il peut y avoir un triplé, puisque on va en parler. City va jouer la finale de la Cup également. Si Liverpool qui n'a pas démérité face à Wolverhampton, victoire 2-0, mais ça n'aura pas suffi. Mané pour un doublé. Chelsea qui finit avec un match nul à Leicester, 0-0. Tottenham 2-2 face à Everton. Arsenal 3-1 victoire à Burnley. Défaite de United pour finir à Cardiff 2-0. Face à Cardiff, pardon. Et au classement, donc final, City 98 points, Liverpool 97 points. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas eu deux équipes si hautes, hein, quand même. Chelsea 3ème 72 points. Tottenham 4ème 71 points. Arsenal 5ème 70 points. United 6ème 66 points. Les relégués, Cardiff, Fulham, Huddersfield, donc sont relégués en deuxième division anglaise. La finale de la Coupe d'Angleterre, eh bien, ce sera samedi soir. City va jouer face à Watford à 16h pour un triplé historique. C'est possible. Voilà, déjà deux titres pour eux. Il pourrait y en avoir un troisième ce samedi en cas de succès face à Watford, qui est fort probable, mais attention à ne pas y aller avec de la facilité. Il faudra donc jouer samedi pour essayer de remporter un troisième titre cette saison et 14e victoire de suite, quand même 14e succès de suite en championnat après cette victoire donc face à Brighton, qui aura fini quand même sur une grosse série, et il fallait au moins ça pour être champion et pour battre Liverpool au final. Voilà pour le Tour d'Europe, donc c'est fini pour ce Tour d'Europe, c'est fini pour l'Angleterre surtout. Et on va finir nous avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa bien sûr aussi, et puis on finira avec évidemment la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc pour finir avec Jérôme avec nous, qui j'espère sera avec nous dans quelques secondes, il doit être avec nous, j'espère qu'il va pouvoir être avec nous dans un instant. Ligue des Champions avec donc les demi-finales retour de Ligue des Champions qui ont été énormes, hein, on n'avait pas vécu ça depuis pas mal de temps, donc des demi-finales très très haletantes, il y avait de l'enjeu. Alors on semblait un peu moins entre le Barça et Liverpool, où le Barça avait remporté la demi-finale 3-0 au match aller, et on s'attendait à un match géré pour le Barça. Finalement, Liverpool qui a été spectaculaire, victoire 4-0 un but très rapide après 7 minutes de jeu par Origi, qui ont lancé c'est le cas de dire les débats. Ensuite on a eu le deuxième but à la 54e par Wijnaldum, doublé pour lui à la 56e de minute plus tard, et puis 79e Origi sur un corner astucieux va permettre à Liverpool de se qualifier. Miracle donc pour Liverpool, deuxième finale consécutive tout de même pour Liverpool, qui cette fois aura à cœur de s'imposer. Et donc grosse perf de Liverpool mardi soir. Mercredi soir, Tottenham pouvait se qualifier aussi. Il y avait un retard d'un but face à l'Ajax, pas insurmontable, plus à la mi-temps puisqu'il y avait 3-0 accumulés après deux buts de l'Ajax. Et puis le miracle est intervenu par Lucas Moura, qui a marqué un triplé, 55, 59 et 96. Une très grosse remontée également, triplé de Lucas, 40e équipe notée, tiens au passage, 40e équipe différente atteindre une finale de C1, puisqu'il n'a jamais atteint une finale de Ligue des Champions, Tottenham. Scénario énorme et pour Ajax un peu cruel après avoir sorti quand même le Real et la Juve, bien qui s'incline et qui s'arrête aux portes de la finale. Du coup, on aura cette finale entre Liverpool et Tottenham, finale 100% anglaise, le 1er juin prochain à Madrid. Et on verra, on espère déjà un bon match et voilà, et peut-être un titre inédit pour Tottenham, peut-être Liverpool qui va remporter le titre après avoir perdu celui en championnat, on verra. En tout cas, ce sera le 1er juin pour ce prochain à Madrid. En Ligue Europa, il y aura aussi une finale 100% en britannique entre Arsenal et Chelsea. Arsenal qui s'est défait de Valence 3-1 à l'aller, 4-2 retour, il n'y a pas eu de débat. Plus compliqué pour Chelsea, un but partout à l'aller, un but partout au retour, tir au but qui va départager deux équipes, et c'est Chelsea qui se qualifie au tir au but finalement. 4 tirs au but à 3 après avoir été mené dans la séance pourtant, et donc c'est l'exploit du gardien de Chelsea qui a permis aux siens de se qualifier. Arzi Balaga qui a sorti notamment 2 tirs en fin de match et qui en fin de séance, qui permet à Chelsea de se qualifier. Finale anglaise, c'est la première fois d'ailleurs qu'une même nation soit en finale, quand même ces 4 équipes en finale des 2 coupes, voilà. Et ce sera le 1er juin, le 1er juin ce sera les finales de la Ligue Europa, pardon, pour la finale de la Ligue Europa le 29 mai prochain, 21h. Ce sera un mercredi soir 21h à Bakou entre Arsenal et Chelsea. Ce sera un match diffusé en clair sur RMC Story. Ce sera le 29 mai prochain sur RMC Story, donc le canal 23. Et puis la finale de Ligue des Champions, 1er juin, a priori, sera diffusée sur BFM TV en clair également. Tout cela reste à confirmer, pardon. Parce que le CSA aurait interdit à RMC Sport de diffuser cette finale sur BFM. Pour l'instant, ça devrait être le cas, mais c'est pas encore joué. Mais ce sera en clair, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Voilà pour ces deux belles compétitions. Un mot avant de finir en France, dans les dernières secondes, dernières minutes qui nous restent. Un mot de l'équipe de France des moins de 17 ans, on avait parlé la semaine dernière, qui est engagée dans l'Euro des U17. Et cette équipe de France qui est en demi-finale de cet Euro. Bravo à eux. Ils sont en demi-finale donc, après avoir remporté son quart de finale sur le score de 6-1, hein, qui ont vraiment cartonné. La France est en demi-finale, donc 6-1, victoire face à la République tchèque, c'était samedi soir. On rappelle que c'était qualifié, notre équipe de France qui s'est qualifiée pour les quarts de finale après un dernier match, parce qu'on rappelle qu'il y avait, il y avait cet enjeu. On avait parlé après deux matchs, il restait un troisième match de groupe. Et cette équipe de France U17 qui a réussi à se qualifier pour ses quarts de finale, donc déjà belle perf pour eux, et une On va le voir. Donc, quart de finale archi dominé par nos Français. Avec une victoire donc 6-1. On rappelle qu'il y avait resté sur une victoire déjà face aux Pays-Bas 2-0 et qui avait fini en tête du groupe. Hein. Du coup, donc victoire 6-1. Un quadruplé pour Adil Aouchiche, qui est un jeune parisien qui joue au PSG, qui a marqué 4 buts dans cette, dans ce quart de finale et qui est impliqué sur 10 buts hein, en 4 rencontres, 9 buts et une passe décisive. Donc bravo à lui. Et à coup sûr, il sera en demi-finale pour essayer de qualifier son équipe en finale. Demi-finale face à l'Italie, puisque l'Italie a battu le Portugal aujourd'hui 1-0. Donc Italie, France-Italie, ce sera la première demi-finale. Ce sera jeudi. Ça se jouera pour une place en finale. L'autre demi-finale posera Pays-Bas, tenant du titre, au vainqueur du match entre la Hongrie et l'Espagne. Voilà pour cette équipe de France U17. Et puis on espère que lundi, on pourra vous annoncer un titre pour cette équipe des U17. Et puis dans quelques jours, on démarrera la Coupe du Monde des U20. Donc la catégorie juste au-dessus, qui jouera en Pologne. Ce sera du 23 mai au 15 juin. Donc ça va démarrer la semaine prochaine. Donc ça va s'enchaîner après cet Euro des 17. La Coupe du Monde des U20. Voilà. Et on fera un point aussi sur ça, bien évidemment, juste après l'Euro des 17, du coup. Voilà pour ce petit point concernant les équipes de France. Et puis les féminines, qu'on n'oublie pas, qui vont jouer le mondial, bien sûr, le mois prochain. Elles seront à samedi prochain, le 25, au Stade de la Source, pour affronter la Thaïlande en match, en dernier match amical de préparation pour le mondial, qui sera en France, on le rappelle. Pour finir avec le foot, la Ligue 2 et cette 37e et avant-dernière journée qui se jouait vendredi soir, la défaite du leader et d'ailleurs du récent champion de Ligue 2, Metz, défaite 1-0 à Nancy. Brest, deuxième, 3-0 victoire face à Niort, victoire de 3 à Clermont 4-2, le Paris FC a battu Red Star 1-0. Lorient, Sochaux 0-0, victoire de Lens à l'AS Ajaccio 2-0, victoire de Valenciennes face au Havre 1-0, 0-0 entre Grenoble et Auxerre, entre Orléans et Béziers où c'est pas passé grand chose, et Châteauroux a battu Gazélec 2-1. Au classement, Metz ne bougera plus, évidemment, 78 points. Brest ne bougera plus et officiellement est en Ligue 1 l'année prochaine, 74 points. 3e 70 points, jouera le barrage face au 10, enfin jouera le barrage en tout cas. Paris FC 4e 62 points, Lens 5e 60 points, Lorient 6e 60 points. Ces 4 équipes vont se disputer 3 places. Ces 3 équipes, pardon, vont se disputer 2 places. Paris FC, Lens et Lorient. Voilà, il faudra. Il y a 2 places. Il y a 2 places pour 3 équipes. On rappelle, le 5e affrontera le 4e. Le vainqueur affrontera le 3e et le vainqueur de cette rencontre affrontera en barrage le 17e, 18e de Ligue 1. On rappelle donc tout se jouera lors de l'ultime rencontre. Orléans 8e, 52 points, pourra finir 7e seulement ou pourra finir 9e, voilà, entre 7 et 9 cette saison. Et en bas, le Red Star sera en national, déjà on le savait depuis la précédente journée. Béziers peut encore se qualifier pour les barrages, puisqu'il y a 3 points de retard sur Sochaux, qui est pour l'instant barragiste, et une différence de but de seulement 2 buts d'écart. Donc tout est possible pour Béziers, qui peut finir barragiste. Sochaux, pour l'instant 18e, Gazélec, Ajaccio, l'AS Ajaccio sont concernés par cette place de barragiste, et Auxerre également. Rien n'est joué dans ce bas de tableau. La dernière journée, ce sera vendredi soir à 20h45. Orléans ira à Lens. Lens qui a un gros enjeu, c'est bien sûr c'est de s'imposer. Si tout le monde s'impose, eh bien Lens pourra normalement faire partie, puisqu'ils ont une différence de but favorable. Donc en cas de succès, Lens finira au 4e ou 5e. Donc a priori, c'est plutôt bien placé. Lorient ira au Havre pour essayer de s'imposer. Et puis la dernière place pour l'instant pour le Paris FC. Paris FC qui va recevoir le Gazélec Ajaccio, qui a besoin de points aussi pour se maintenir, donc c'est rien n'est joué. Hein. Sochaux qui est concerné pour le maintien, pour le barrage, eh bien reçoit Grenoble, voilà, qui ne joue plus rien. Béziers, enfin, pour finir, pour Béziers, reçoit Nancy, qui n'a plus rien à jouer. Donc voilà les différents enjeux cette dernière journée de Ligue 2. Et on finit avec la Ligue 1, avec la 36e journée. Il restera encore deux journées en Ligue 1. 36e journée qui démarrait vendredi. Très mauvaise opération pour Saint-Etienne, battu face à Montpellier 1-0. Un but qui intervient pour les Montpellierains, donc à la par Bobby Cazerie, pardon, qui intervient à la 64e minute de jeu. Deux expulsions ensuite, un, d'ailleurs côté Montpellier, un côté Montpellier, Saint-Étienne, pardon, dans la foulée. Mais très mauvaise opération pour Saint-Étienne sur cette rencontre. Victoire de Paris à Angers samedi 2-1. Nice-Nantes, un but partout. La défaite inquiétante de Monaco qui s'incline encore une fois à Nîmes 1-0. Caen qui bat Reims, un match important, 3-2. 3 points très importants pour Caen. On va le voir au classement dans un instant. Dijon qui bat Strasbourg, important aussi, c'est victoire 2-1. Amiens, Toulouse 0-0. Et puis hier, match nul entre Rennes et Guingamp 1-1. C'est fini pour Guingamp. Lille, Bordeaux 1-0. Très victoire qui normalement c'est fini pour Lille, hein, sauf catastrophe, finira deuxième. Et Marseille-Lyon, score sans appel, victoire lyonnaise 3-0 face aux Marseillais. Cornet deux fois et Dembélé. Le classement Paris 88 points qui atteint la barre des 100 buts marqués d'ailleurs, à la faveur de sa victoire 2-1 samedi après-midi. 100 buts pour 32 encaissés. Qui a meilleure attaque mais qui n'a pas la meilleure défense. C'est Lille qui a meilleure défense avec 30 buts encaissés seulement. Lille 2ème 72 points, Lyon 3ème 66 points, un grand pas vers la Ligue des Champions. Puis Saint-Etienne 4ème 62 points, 4 points d'écart à 2 journées de la fin. Montpellier 5ème 58 points, Marseille 6ème 55 points. En bas, ce qui nous intéresse bien sûr, avec les équipes concernées encore pour le maintien, Bordeaux et Toulouse à 38 points à moindre mesure, mais surtout Amiens 35 points 16e, Monaco 17e 33 points, Caen 18e 33 points. Monaco est à égalité de points avec Caen, barragiste, et un seul but de d'écart d'avance, goal average, donc très serré. Dijon 31 points avec 2 points de retard. Guingamp 26 points. Alors c'est pas fini mathématiquement, mais ça semble quand même très compliqué. Mais si, pardon, c'est fini, je dis Adrien, puisque le Caen qui est barragiste a 7 points de retard, 7 points d'avance. Et donc c'est terminé, puisque il reste que 6 points à prendre. Donc Guingamp est relégué. Dijon va jouer son maintien. Il y aura Caen, Monaco, Amiens et éventuellement Toulouse et Bordeaux. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. L'avant-dernière journée, 37e, c'est samedi à 21h. Au programme Toulouse-Marseille. Toulouse-Marseille, donc, où il n'y a pas d'enjeu. Même si pour Toulouse, ça permettrait de valider complètement le maintien. Strasbourg-Rennes. Strasbourg-Rennes, où là, il n'y a vraiment aucun enjeu, pour le coup, entre le 11e et le 12e. C'est ça. Montpellier-Nantes. Même cas de figure, pas d'enjeu. Lyon-Caen, pour Lyon ce sera l'occasion de vraiment clôturer cette troisième place. Caen joue le maintien, encore une fois bien sûr, ça peut profiter à Monaco qui va recevoir Amiens. Monaco 33, Amiens 35, une victoire monégasque combinée à une défaite cannaise leur permettrait de voir venir largement après pour la dernière journée. Saint-Etienne-Nice, pour Saint-Etienne il y a encore l'espoir bien sûr de cette troisième place. Nice est 7e, il n'y a aucun enjeu pour les Niçois. Guingamp-Nîmes, pas d'enjeu pour les Guingampais, relégués. Nîmes ne joue plus rien non plus. Paris-Dijon, là non plus il n'y a pas d'enjeu pour Paris. Pour les Dijonais, une victoire permettrait de évidemment de vous donner un petit peu d'air. Bordeaux-Reims, pour Bordeaux ce sera l'occasion de vraiment valider le maintien. Pour Reims il n'y a plus rien à jouer. Pour Lille-Angers, Lille qui a priori normalement finira deuxième. Alors il y a 6 points d'avance et il y a une différence de but de plus 32 contre plus 16 pour Lyon, donc il faudra vraiment deux cataclysmes mais a priori un point suffira plus que largement pour les Lillois. Pour Angers, plus d'enjeux non plus depuis un petit moment. Voilà les enjeux de cette avant-dernière journée, samedi 21h. Et puis l'ultime journée aura lieu, non pas le samedi 25, mais le vendredi 24 mai à 21h. Pour éviter tout problème avec manifestation des Gilets jaunes, la Ligue a préféré avancer cette rencontre, cette journée, pour ne pas avoir de moindre souci, évidemment. Ce serait dommageable de devoir décaler un match de la dernière journée. Voilà en tout cas les enjeux de samedi. L'agenda en termine 23h35. On n'aura pas Jérôme malheureusement avec nous ce soir, qui n'a pas pu être avec nous. Mais bien sûr, on espère l'avoir la semaine prochaine pour l'avant-dernière journée. L'agenda de la semaine, donc, avec quoi ? Bah, plein de choses. Foot, déjà, on l'a dit. On aura quoi cette semaine en foot ? La Ligue 1, on l'a dit à l'instant, samedi soir 21h, vendredi soir 20h45, Ligue 2. Orléans, Lens se déplace à Orléans pour l'avant-dernière journée, puis finira à domicile. Pardon, c'est la dernière journée, autant pour moi. C'est terminé à Lens, les Hornets qui terminent à Lens. En Angleterre, samedi, c'est la finale de la Cup. Il n'y a plus de championnat, mais c'est la finale de la Cup. City pour un triplé historique reçoit Watford à 16h, 18 mai. Enfin, joue Watford, c'est pas à domicile d'ailleurs. En Espagne, dernière journée de championnat. Voilà pour tout le monde. En Italie, il reste encore deux journées. Mais mercredi soir, finale de la Coupe d'Italie entre Bergame et la Lazio de Rome. En Allemagne, ultime journée, le titre se joue entre Bayern et Dortmund. Bien sûr, on va suivre ça. Donc en Europe, tout ce qui va se passer cette semaine. Je crois que je n'oublie rien. On va finir donc avec le reste du programme de l'agenda de la semaine. Si, à noter, très important, samedi soir, c'est la finale de la Ligue des Champions féminines, Lyon face au FC Barcelone. Lyon qui a l'occasion, les Lyonnaises qui ont l'occasion de remporter un nouveau titre, quatrième consécutif en Ligue des Champions. On espère pour elles une victoire. Donc samedi soir, 18h, soyez au rendez-vous pour suivre cette rencontre. On poursuit l'agenda. Donc voilà pour le foot. Cette semaine en tennis, c'est l'ATP Masters 1000 de Rome, avec tout le monde encore qui est présent au rendez-vous. Nadal, Djokovic, Federer, Zverev, Tsitsipas, voilà, j'en passe d'autres, mais il y aura tout le monde qui sera avant le dernier, on va dire le dernier entraînement avant Roland-Garros, dernière répétition générale. Donc ça c'est pour le tennis. Chez les femmes également, le même tournoi à Rome. Du rugby, nouvelle journée de top 14, l'avant-dernière pour cette journée de top 14, où il y a encore des enjeux bien sûr dans cette journée. Il y aura uniquement ça au niveau du rugby, hein. Basket, Orléans joue un match très important. Et allez-y, il faut supporter Orléans ce week-end. Ce sera samedi soir à Palais des Sports face à Caen. Victoire impérative pour croire toujours à la première place. Donc à NBA, cette semaine, finale de conférence. Ça va démarrer mercredi, dans la nuit de mardi et mercredi pour les premières rencontres. Toute la semaine, hein, il va y avoir des matchs, bien sûr. Finale de conférence en NBA. Et puis finale, demi-finale de l'Euroleague en Europe, c'est aussi toute la semaine, ça démarre. Handball, Fleury finit sa saison au Palais des Sports également. Donc pour finir la saison, c'est dimanche. C'est ça, dimanche, puisque l'OLB joue samedi soir, donc ce sera dimanche. Mais ça aurait été samedi, non, a priori, mais puisqu'il y a du basket, ce sera dimanche à 8h face à Toulon pour finir la saison. Cette saison 2018-2019, et bien sûr le championnat en Liga Lig se poursuit. Il y aura toujours des matchs qui vont se jouer, bien sûr. Et puis Gien reçoit la réserve du PSG handball. Ce sera samedi à 20h30 à domicile pour garder espoir au maintien. Mais tout est encore possible, ça semblait compliqué, c'est encore jouable. Voilà pour le point hand, et puis je crois que c'est tout. Et la MotoGP, c'est le Grand Prix de France sur le circuit du Mans donc dimanche. Donc voilà, et ne soyez pas surpris, il va y avoir pas mal de mouvements sur les routes ce week-end. Ce sera ce Grand Prix de France qui va attirer au Mans donc dimanche. Voilà sur Canal cette rencontre. Je crois que tout est dit. On va se quitter là-dessus, 23h39 déjà. On va terminer avec un dernier titre. Lyon-Barcelone pour revenir sur en Ligue des Champions féminine sur Canal+, cette finale de la Ligue des Champions féminine. Voilà, pour les Lyonnaises, on espère un nouveau titre. Et également sur TMC, voilà, donc Canal+ et TMC qui co-diffuse. Donc pour en clair, allez-y sur TMC, la 10. Lyon-Barça, finale des champions féminines en direct sur TMC samedi 18h. Pas mal de choses à suivre ce week-end quand même. Voilà, je crois que c'est tout cette fois pour cet agenda. Vous avez beaucoup de choses à suivre. On va se quitter avec, avec un dernier son et puis on se retrouve la semaine prochaine. On essaiera de finir un peu plus tôt, un petit peu en retard ce soir. Mais on n'a rien derrière donc on en profite. On termine avec les Daft Punk tout de suite. C'est ce titre s'appelle Instant Crush. Rendez-vous lundi prochain 21h30 pour un nouveau numéro de la Red Arc. D'ici là, passez une bonne nuit, bonne semaine et puis bah, portez-vous bien bien sûr, et puis vive le sport bien sûr sur Arc-en-Ciel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Red Arc. Ciao, bye bye.